vous êtes assez fait. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Yeah. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Véronique Meir célébrera la continuité de sa chronique avec la lettre C dans le Véronique solaire et on goûtera de la malbouffe dans une grosse pointe d'allresse. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 3 mars 2016. On est à 50 quoi? Je crois qu'on est rendu comme à 54 jours de la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Bonjour Tania. T'étais pas là hier. Ben non, j'étais pas là. J'avais des complications de voiture. Raconte-nous ce qui s'est passé. Ben en fait, c'est un problème de power steering pour ceux qui savent c'est quoi. C'est la servo-direction de ton véhicule, donc c'est ce qui... tourner. C'est supposé me faire comprendre quand tu me dis la servo-direction, tu rabaisses ça à bon niveau. Ben... oui, c'est ça, exactement. Ouais. Non, mais en fait, c'est ce qui permet à ta voiture de pouvoir tourner à gauche ou à droite. Ah là, puis, je comprends. Malheureusement, hier, ça tournait pas. Bon. Voilà. Merci d'avoir expliqué ça de façon claire. Donc, heureux de te revoir. Et aujourd'hui, on va faire ta chronique, évidemment, à la fin de l'émission. Tania, je connais Tania, qu'est-ce qui s'en vient? On va parler un petit peu de savoir et aussi de cerveau. C'est tout ce que je dis. Tu t'es inspiré d'hier et ta cerveau-direction. C'est ça, t'as tout compris. C'est ça l'affaire. aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir notre chronique classique du jeudi, une grosse pointe d'allresse, on va goûter à quelque chose. En fait, aujourd'hui, on va boire. Je te vois encore une fois prendre ta bouteille d'eau en plein pendant que je suis en train de parler parce que tu sais que t'as le temps. Ouais, je sais. Et là, des fois, tu fais un petit bruit de bouteille. Ah non, mais ça, c'est ma bouteille, c'est pas moi. Ce qui rajoute à... au bout de l'émission. Bon, c'est ça. Donc, une grosse pointe d'allresse à 8h30. Mais dès le début de l'émission, et c'est nouveau pour le reste de la session, aux deux semaines, on va avoir quatre chroniques spéciales de la part d'une revenante. Ça fait un bout qu'on l'a pas vue. On va l'introduire pour vous à l'instant. Voici Véronique Meir et son Véronique Sionnaire. On va essayer une nouvelle chanson, juste pour le fun. C'est pas sa vraie intro. Là. Non, c'est trop plate. C'est plate, hein. On va essayer une autre. On va voir si celle-là elle va être plus heureuse. Il y en a une qui s'appelle Happy Song. Caribbean Happy Song, va, pour le fun. Cheesy encore un peu. Ouais, non. Non, OK. Alors, on essaie une autre. Beach Instrumental Relaxing. Ah, moins pire, mais... Ah, il y a de l'eau. Ah. Ouais. Non, une dernière, puis après ça, on va le carré. Bahamas Tropical Beach Songs. Ça a l'air bon, ça. Ah oui, attention. Ah ouais. Ça pourrait, oui. Pas moi ça. Oh oui! Oh! Ah, je pense qu'on l'a... Ben, moi, j'aime ça, en tout cas. Ouais, je pense qu'on va la garder, celle-là. Salut, Véronique Meir! Hey, salut! C'est toujours l'été à chaque fois que tu reviens. Waouh, être chanceuse, hein? En plus, avec le fret qu'il fait dehors, là. C'est ça. C'est pas très fun, mais pour ceux qui te connaissent pas, Véronique Meir, tu fais des chroniques à Assemblage Reiki depuis quand même assez longtemps. Oui. Bon, 3 ans peut-être, si on inclut les chroniques de préparation d'examen que tu as fait il y a quelques années. Et là, tu fais le Véronique Dictionnaire depuis 2 ans environ. Oui. On a commencé par la fin du dictionnaire à la lettre Z, et on a graduellement avancé. Ensuite, arrêter. Ensuite, recontinuer à avancer. Ensuite, arrêter. Et là, on est de retour. On était rendu à la lettre C. C, oui. Voilà. Alors, je vous ai candidement concocté une chronique sur la lettre C ce matin. Et je crois qu'on devrait être bon pour terminer d'ici la fin avril, là, le Véronictionnaire. Peut-être y aura-t-il une suite. Qui sait, mais... On s'est toujours demandé s'il y aurait alpha, beta, gamma à la fin. Une fois rendu... On sait pas. On ben le demande. Oui. Donc, la lettre C, y a plein de mots là-dedans, j'en suis certain. Donc, on va se lister ça et essayer d'apprendre des choses sur plein de choses dans la vie. D'apprendre des choses sur des choses. Ben c'est fun. Ben oui, des cossins. Des cossins. Ça, hein? Donc, puisqu'on est si tôt le matin, j'ai décidé de vous parler du café, mais sans vous parler nécessairement du café en tant que tel, plutôt pour vous aider à mieux le digérer ou à éviter l'effet excitant du café. Alors, si vous mettez dans votre café une pincée de cardamome, alors on parle de moins d'un quart de cuillère à thé, ça va vous aider à digérer le café, contrer les brûlements d'estomac, les reflux gastriques qu'il peut occasionner. Alors, la cardamome, peut être intéressante pour ça. Très bonne idée. Il y a beaucoup de cafés qui causent des brûlements d'estomac, alors que le café de la chasse-galerie ne m'en cause pas, moi. Fait que je suis content. Ah, c'est le fun, ça. Le café miraculeux. Voilà. Sauf si on abuse. Hein. Ouais. Après 12, oui, ça brûle. Ça peut faire ça. Aussi, la muscade aide à calmer. Si vous avez l'impression des fois d'être ces gros nerfs là, quand vous buvez du café, là, les petits tremblements, puis l'impression que votre tête va péter dans votre cerveau, ou en tout cas l'inverse, hein, ça aide à calmer. Donc, ça évite ça. Donc, encore une fois, une pincée de muscade dans le café. Alors, voilà, c'est des petits trucs que je voulais vous donner ce matin. Tandis qu'on est dans les épices, disons, saviez-vous que le curcuma est un antidouleur très important? Non, je savais pas ça. Alors, pour ceux qui aimeraient les trucs naturels, hein, quand vous avez des douleurs, alors le curcuma est un anti-inflammatoire très puissant qui est liposoluble, donc non hydrosoluble, ce qui veut dire qu'il se dissout dans l'huile ou la graisse. Donc, pour en maximiser les effets, je vais vous donner une petite recette à essayer. Alors, vous prenez 3 quarts de tasse d'huile d'olive extra vierge, hein, très important, donc de l'huile d'olive de qualité. 3 cuillères à soupe de curcuma. Un petit peu plus qu'une cuillère à soupe de poivre noir moulu, de préférence frais. Mmh. Puisque le poivre noir qui contient de la piperine, hein, je vous le rappelle, là, c'est ça qui fait qu'on éternue quand, on respire du poivre. À chaque fois, oui. Augmente 1000 fois le pouvoir d'absorption de la curcumine. Alors, l'ingrédient dans le curcuma qui fait que vous n'aurez pas de douleur ou le goût. On mélange le tout dans une petite bouteille et on prend une cuillère à soupe par jour, le matin et le soir. Et dans 3-4 jours, vous devriez déjà sentir vos douleurs diminuer. Wow, ça ne doit pas être super bon au goût. Non, ça ne doit pas, hein? Ça doit être trop. Mais pourquoi pas essayer, hein, quand on est rendu qu'on ne sait plus trop quoi faire contre tous nos petits bobos. Douleurs et compagnie. Il y a le party qui est pogné à quelque part à côté. Ah oui, hein? Ouais. Mes écouteurs, je te dis, mes écouteurs sont trop bons, j'entends pas les... Ah! Eh oh, récréo! Ouais. C'est ça. Donc voilà, curcuma, cardamome et muscade. Pour continuer, tandis qu'on est à la radio, je vais vous faire un petit soir du CD. Ah, oh, wow! Comme pas de disque, hein, pourquoi pas? Ben oui. Alors, d'après vous, quelle grande compagnie de disques ou audio ont inventé le CD? Sony. Ah oui, Sony, ça a l'air bon. Et il y en a deux, en fait. Donc, Sony en est une, C'est deux compagnies qui se sont associées. Oh, OK. Warner, RCA... Non, je sais pas. Ben, c'est Sony, vous aviez raison, et Philips en 1979. Okay. Alors, ils se sont associés. Ils ont basé le tout sur la technologie du disque optique breveté en 1961 par David Paul Gregg. Et Philips se chargeait plutôt de la conception, tandis que Sony se chargeait de la numérisation des fichiers. Les premiers prototypes mesuraient 115 mm et étaient bons pour 60 minutes. Mais Madame Sony, elle, aimait beaucoup la musique classique. Sonia, alors, on l'appelle. Ben oui, Sonia. Probablement. Madame Sony a dit « Moi, là, j'aimerais tellement entendre la 9e symphonie de Beethoven sur un CD. Alors, mon cher Marie, il faut que tu fasses un CD de 120 mm. » qui puisse contenir 74 minutes de musique. Hey, y es-tu fouetté, ce gars-là, pareil? Hein? Quand même. Ça marche quand Madame dit que... Madame Sony s'est prononcée. Alors, en 1982, les deux premiers albums CD font leur apparition dans les bacs à CD, là, dans le temps. Alors, les deux premiers CD étaient la symphonie alpestre de Richard Strauss et The Visitors du groupe ABBA. Ah, wow! OK. Mais, ouais, c'est ça. Donc, deux genres très différents. En raison de sa grande qualité, c'est vite catalogué comme produit qui est réservé juste aux mélomanes, là, puisque c'était pas vraiment des genres qui plaisaient à tous. Alors, il faut attendre la sortie de Brothers in Arms de Dire Straits, c'est un groupe rock anglais, pour que le CD devienne de plus en plus populaire. Alors, en 1984, c'est très populaire, on innove en faisant les CD de données. Donc, pouvoir mettre des données et non juste... les fameux CD-ROM. C'est ça. Oui. Donc, c'est quand même vieux, hein? Je pensais pas que c'était si vieux parce que moi, dans les années 80, j'étais encore dans les cassettes. Fait que, ben, vraiment, hein? En plus, en 84, j'avais juste un an. Fait que... Mais les cassettes, tu sais, sont revenus à la mode, les cassettes. Donc, peut-être les CD vont revenir à la mode un jour. Les vinyles sont à la mode en ce moment. C'est vrai? Vinyles, cassettes, il reste les CD à ramener. Peut-être. Ouais. Faut les laisser partir avant de pouvoir revenir, malheureusement. On joue encore presque juste des CD assez fous, hein. Ah, c'est vrai. Ça. Quand même. On est les seuls dans les radios. Disons que les radios commerciales n'ont plus de CD du tout. Non, ça fait pas. Ah non, c'est tout audio. Ouais, ben, MP3. Ouais, MP3, ouais. C'est ça. Triste. Donc, voilà pour la petite histoire du CD. Maintenant, un petit mot sur le chocolat et la conservation du chocolat. Ah, tes as vraiment bien choisi tes mots aujourd'hui. Pas pire, hein, quand même. Alors, puis en passant, le Pâques est à la fin du mois. Hein, cette année, il vient très, très vite. Fait que ça doit être à cause de ça que j'ai décidé de vous parler du chocolat. Le chocolat se conserve très bien au frigo. Hein, vous pouvez le garder environ un an au frigo. Mais un an? Un an. Oui, c'est très long. Donc, parce que je garde toujours mon chocolat au réfrigérateur depuis toujours parce que j'aime du chocolat frais, froid. Je laisse un petit peu sur la table 10 minutes après, ben je le mange. Ah. Mais un an. Oui, c'est très long. Cool. Si je pensais pas, c'est si vraiment long, très long. Mais j'ai jeté plein de chocolat que j'aurais dû pas jeter. Ouais, ben non, c'est correct. Donc, au frigo, souvent, il va blanchir avec le temps. Oui, c'est rare qu'on le conserve un an. Hein. On le mange bien avant ben, ça. Là. Si vous le conservez dans un endroit frais et sec, il va se conserver encore mieux ou encore ben pas plus longtemps. C'est encore aussi un an, mais au moins, il blanchira pas. Ou en tout cas, frais et sec. Ouais. Mais ça, c'est souvent... Hein. C'est comme ils nous disent, les médicaments, même affaire, frais et sec, mais... Où est-ce que c'est frais et sec chez nous, là? Bon, en tout cas, il faudrait mettre c'est un vrai, thermomètre. Hein? Les températures changeantes avec les saisons, en plus. Moi, c'est que j'achète des cargaisons de chocolat. Des fois, quand c'est en spécial, j'en ai acheté vraiment beaucoup. Là. J'ai un tiroir à chocolat dans le réfrigérateur. Un tiroir à goodies. C'est le tiroir à beurre, en fait, que je me Mais en fait, c'est qu'il faudrait essayer de savoir si, vraiment, quand ton chocolat commence à... à devenir blanc, si c'est parce qu'il est plus bon ou si c'est simplement parce que la température n'arrête pas de changer. C'est ça. Bonne question. Ça, j'ai pas regardé ça, puis je me suis posé la question en le lisant, mais j'ai entendu dire que quand on le faisait chauffer, en fait, ça avait rien à voir, c'est vraiment la couleur qui change. C'est sûr que quand le chocolat est plus bon, il va changer de couleur aussi, là, donc ça peut être trompeur. Par contre, faites attention si vous avez des chocolats artisanaux à cause des ingrédients frais qu'ils contiennent. Oui. Eux autres se conservent juste un an. Un mois. C'est quand même pas si pire un mois. Ouais, c'est ça. Si donc, t'es capable de t'en tenir pendant un mois, t'es plus fort que moi, la plupart du temps. Et, c'est pas facile. Hein? Mm-hmm. Surtout des beaux chocolats blancs ou les chocolats, comment ça s'appelle, là, Sanson, là, qui viennent d'ouvrir là, dans le centre-ville. Je sais pas. Chocolaterie Sanson. Très, très bon. Maintenant, j'ai plus de sujet bouffe, donc on tombe dans autre chose. J'arrête de t'écouter. J'ai trouvé la réponse à notre question en passant. Bon. C'est pas que le chocolat est plus bon, c'est simplement que après un certain temps, ça devient un blanchiment des gras du chocolat. Okay. C'est tout simplement ça, mais tout le monde peut manger son chocolat même s'il est rendu blanc. Génial. C'est bon. Oui, fait qu'on s'en empêchera pas. Un petit mot sur le curriculum vitae. Saviez-vous que... Ça rappelle ton ancienne chronique de préparation d'examen. Là, tu vas être théorique dans ton Non, pas tant. C'est juste une petite affaire que je voulais vous dire. Saviez-vous que le mot curriculum vitae en latin signifie chemin de vie? Ah, c'est cute! J'ai trouvé ça bien, bien inspirant. Mm-hmm. Oui, voilà. Hey, tu sais, quand tu y penses... Ça a du sens. Ça a pas mal de sens. C'est en ordre chronologique avec exactement. Un C encore aussi. Ben là, voilà. Maintenant, on est dans la période des impôts, hein? Alors, j'ai fait une petite recherche pour vous donner quelques conseils pour améliorer votre dossier de crédit. Quelques petits conseils. Donc, il y en a peut-être qui les connaissaient déjà, mais saviez-vous que les compagnies Equifax et TransUnion évaluent votre crédit en ligne? Alors, vous pouvez faire des demandes pour savoir votre dossier de crédit en est où. Tout le monde a droit à ça. Tout le monde a droit de faire ça. Alors, il évalue votre dossier sur une échelle qui varie entre 300 et 900. Et plus c'est élevé, moins vous êtes considéré à risque pour les prêteurs. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Quand on veut faire un gros achat comme une voiture ou une maison, mon dossier, qu'est-ce qu'il en dit? Pourquoi avoir la surprise devant la personne? Ouais. Quelques conseils pour améliorer votre crédit. Donc, c'est sûr, restez à jour autant que possible. On nous recommande de demander notre dossier une fois par année. Okay. C'est gratuit. Au Canada, un dossier de crédit sur 5 est inexact et comporte des erreurs. Alors, c'est très important de le demander et de vérifier les informations qui sont dedans. Voyons donc, c'est leur job, pas un autre, ça, oui, mais un sur 5, c'est quand même pas rien. Puis c'est très dommageable quand votre dossier est pas bon puis que c'est une erreur. Donc, souvent, les causes d'erreurs sont des fraudes financières, évidemment, l'usurpation d'identité qui arrive beaucoup maintenant avec tous les achats en ligne de plus en plus, confusion de dossiers ou de données de personnes ayant le même nom que vous. Ça peut arriver aussi. Des erreurs de transmission d'informations de la part de créditeurs et tout ça. Donc, un retard ou une demande de recouvrement est inscrite pendant 6 ans dans votre dossier. Ouch. Donc, faites vite si vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je suis bien content quand je suis allé à la caisse récemment. La fille avec qui j'ai parlé m'a demandé, elle a ouvert mon dossier de crédit, elle m'a demandé chaque affaire si c'était encore le cas vrai. Puis là, ben, j'ai dit, avec telle carte que j'avais payée et fermée, qui n'existait plus. Fait que, elle l'a enlevé du dossier, puis elle a comme transmis l'information... À ceux qui s'occupent de ça, elle n'a pas enlevé elle-même. De façon plus rapide, C'est ça, mais au moins, elle a fait la job pour moi, puis je suis bien content. Fait qu'essayez-le, vous allez à la caisse pour quelque chose, de demander à mon dossier de crédit est-ce qu'il est exact. Ça vaut la peine. Ensuite, bien évidemment, payez vos factures à temps. Hein? Donc ça, c'est une façon facile de perdre de l'argent. Là. Payez souvent aussi, paiement automatique, carte de crédit, tout ça, les paiements égaux d'Hydro. Multipliez pas les demandes. Quand vous faites une demande pour une maison ou pour une auto, des fois, on va, admettons, vous voulez une voiture, vous allez magasiner dans plusieurs concessionnaires, puis à chaque fois, vous demandez, bien, calcule-moi ça, combien ça me ferait. Mais en fait, ça, c'est pas très bon pour vous parce que ça veut dire que vous savez pas trop ce que vous voulez. Donc, c'est mieux de magasiner, de vous faire votre idée puis de faire la demande une fois que votre idée est faite plutôt que de faire des demandes un peu partout. Okay. Attention au transfert de soldes. Ceux qui ont plusieurs cartes de crédit, hein, des fois, ils vont transférer d'une carte à l'autre. Et d'ailleurs, on vous recommande 2 cartes de crédit maximum. OK. Parce qu'il y en a qui en ont 3, 4, 5. Mastercard and Visa and American Express. Ouais, les Canadian Tire, les Costco, les ci, les ça. Donc, faites attention. Les cartes de magasin aussi, faites attention. Oui. Les taux d'intérêt sont tellement élevés sur ça. Oui, c'est ça. Ouch. Et payez plus que le minimum aussi quand vous recevez votre état de compte. Donc, vous en sortirez jamais. Non, c'est ça. Et finalement, utilisez le crédit quand même parce que c'est ça qui fait que vous allez avoir un dossier. Pour si se vous ne l'utilisez pas, ça en prend. C'est logique. Donc, voilà le petit conseil pratique ce matin. Donc, maintenant, on tombe dans autre chose complètement, l'espace et les comètes. Le produit pour récurer la bolle de toilette. Non. Les comètes qu'on voit dans le ciel. Alors, les comètes sont constituées de glace, de roche et de poussière. Leur trajectoire décrit une orbite qui s'approche tôt ou tard du Soleil, donc plus ou moins éloignée. Elle dégage du gaz et de la poussière. La queue de la comète peut s'étendre sur plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Fait que si vous voyez une comète arriver, là, tassez-vous parce que vous allez peut-être vous faire ramasser 10 millions de kilomètres plus loin. Depuis 1500 ans, on a recensé environ 1500 comètes dans le système solaire. Quand il y a des débris qui se détachent, ça crée des météoroïdes. OK, météoroïdes. Oui. Il y a plusieurs petites distinctions. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas l'air bon. Mais quand elles entrent dans la haute atmosphère terrestre, elles brûlent, puis là, elles deviennent des météores. Ah, OK. Puis qu'on connaît aussi sous le nom d'étoiles filantes. Donc, météores, étoiles filantes, c'est la même chose. Mm-hmm. Oui, puis si tu les fourres aux fraises, ça fait des biscuits météo. C'est bon, hein? Biscuits météo. Oh. Ils sont bons, ça. On a faim un matin, je pense, hein? Pas assez déjeuner. Puis quand elles s'écrasent sur la Terre, elles se transforment en météorites. Oui. Bien, ça en fait, hein, quand même. Donc, puis bien, pour que ce soit reconnu météorite, il faut qu'on trouve des fragments. Parce que ça pourrait être n'importe quelle patente qui s'écrase sur la planète, mais il faut trouver. Donc, la comète, quand elle se désagrège, crée des météoroïdes. Quand ils entrent dans l'atmosphère terrestre, ça crée des météores ou étoiles filantes. Puis quand elle s'écrase, ça fait des météorites. D'après vous, ça prend combien de temps avant qu'une comète fonde? Parce que comme elle s'approche du Soleil, finalement, à un moment donné... Ça doit jouer genre en millions d'années. Là. Peut-être, à l'échelle qu'on n'est même pas capable de comprendre. C'est ça. Mais toi, tu dis millions, moi, je veux dire des milliers d'années. Ben oui, Mathieu, voilà. Ah. Donc, si on prend l'exemple de la fameuse comète de Halley, qui s'approche du Soleil une fois toutes les 75 ans, donc c'est quand même assez long, on pense qu'elle va fondre d'ici 10 000 ans ou dans 100 tours du Soleil. Ben voilà. Ah, ben tu vois. Ah, j'ai raison. On ne pourra malheureusement pas voir ça. Non, on ne se rendra pas jusque-là. Donc, c'est la première partie de la chronique Lettre C. Alors, je te laisse le choix de la musique. Que t'es fine. je vais y aller avec... je sais ce que je vais faire. Je vais avec une pièce qui commence par un C. OK. C'est bon. Puis là, si je regarde, mettons, mon pouvoir magique d'animateur de radio, je devrais être bon pour me figurer une pièce qui commence par C. Tu devrais te préparer ça à l'avance. Tiens, 5 heures de paupières. C'est si bien décidé. Tu sais, mettons que j'aurais pas pu faire mieux que ça. Ben non, t'aurais pas pu. Ça fit. J'aurais pu essayer. C'est avec un C. Mais j'aurais pas réussi. Ah non. Parce que c'est le best there ever was. Oh. Rien de moins. À son blanche requis sur ses mots. Justement, il pleure. L'excellente pièce 5 heures de paupières. À Assemblage Rocky, oui, 5 heures, ça commence par un C. Et la raison qu'on commence une pièce par un C, c'est que c'est le Véronique Scolaire avec Véronique Mire. Et c'est la deuxième partie de la lettre C qui commence à l'instant, Véronique. Oui, alors on a parlé de choses un peu sérieuses, de bouffe avant, dans la première partie. Toujours sérieux la bouffe, oui. Toujours. Quand même, hein, le café, les CD, un peu de conseils pour améliorer votre crédit. Et tant qu'à avoir parlé de crédit, ben mon prochain sujet, c'est les codes-barres. L'invention du code-barre. Alors, c'est en surprenant une conversation entre le président d'une chaîne de magasins, évidemment, et un des doyens de l'Institut de technologie de Rexel à Philadelphie, aux États-Unis, qu'un étudiant américain, Bernard Silver, en 1948, qui a décidé de créer un système pour identifier les produits, bon, des étagères jusqu'à la caisse. Alors, il s'est associé avec son ami Norman Joseph Woodland. Et ils ont mélangé également deux technologies, comme les CD de tantôt qui mélangeaient aussi deux technologies. Alors, le système de sonorisation des films et le code Morse. Ah, OK. Parce que les lignes, comme il l'a dit lui-même, j'ai seulement étendu les points et les lignes pour en faire des lignes fines et épaisses. Ah, t'es-tu sérieuse? Pour vrai, j'aurais jamais pensé. J'avais vu qu'il y a des lignes plus épaisses et des lignes plus minces, mais j'aurais jamais pensé. Code Morse, c'est cool. Ça. Mais quand même, hein, c'est pas rien. Alors, il fallait ensuite réfléchir une lumière sur un papier comportant des lignes, bon, plus ou moins fines, pour traduire le tout en données, avec un balayage multidirectionnel. Alors, en faisant des expérimentations et tout ça, ils sont partis des lignes pour finalement dévier vers le code œil de bœuf, donc en cercle concentrique. Avec le balayage multidirectionnel, ils trouvaient que c'était ça qui était le plus optimal. Ouais, parce qu'on voit, ils peuvent scanner de n'importe quel bord. Ils n'ont pas besoin de faire exactement à l'angle parfait. C'est ça. Donc, avec l'œil, ça leur semblait mieux. Alors, le 20 octobre 1949, ils ont déposé un premier brevet. Et en 1952, ils ont commencé à développer le lecteur. C'est là que ça devient comique. Alors, le lecteur, les dimensions du lecteur, c'était gros à peu près comme un bureau. Hey boy, okay. Le lecteur de code barre, ben, c'était l'œil de bœuf, là, dans le temps. Et pour lire le code œil de bœuf, ça prenait une ampoule de 500 watts qui avait tendance, évidemment, à brûler le papier. Donc, c'était vraiment pas très optimal comme première invention, comme premier lecteur. Alors, ils ont déposé un nouveau brevet en 1952. Ça a suivi son chemin. En 1971, une autre grande compagnie que vous avez nommée tantôt, la RCA, là, Radio Corporation of America, qui appartient aujourd'hui à Technicolor, là, ça n'existe plus, RCA, détenait le code œil de bœuf et en a fait une démonstration devant des cadres d'IBM, qui ont trouvé ça bien intéressant. Alors, un des employés d'IBM, hein, deux autres qui reprennent tout le temps les idées de tout le monde, alors George J. Laurer, lui a repris le code et a décidé que l'œil de bœuf, là, c'était pas bien bon parce que quand on faisait une bavure d'encre, on voyait plus rien, on pouvait plus le lire, le code. Alors, il est revenu aux lignes, aux barres, toujours avec le code Morse, et il a rajouté des chiffres sous les barres verticales. Les chiffres qui servent à identifier, entre autres, le type de produit, le fabricant, la date de fabrication. Donc, ces chiffres-là ont une signification, dépendant de l'ordre dans lequel ils sont et tout ça. Et en 1974, un premier produit a été codé, hein, avec le code barre. D'après vous, lequel? Hey boy! En 74? Quelque chose de simple. Un paquet de gomme. Du lait. Ben, voyons donc! Un paquet de gomme. Tu vois? Eh oui, c'est un paquet de gomme. Ben, voyons donc! Ben non! Ça se peut pas, je peux pas trop petit drôle. Oui, c'est ça. Arrête ça. Tu savais-tu? Non. En fait, c'est vraiment bon. Donc, c'est ça. C'est un paquet de gomme en 1974, un paquet de chewing-gum. Alors, voilà. On a des connaissances au fond de notre tête. Peut-être que je le savais sans savoir. Mais tu sais, j'avoue, c'est petit. C'est, tout le monde achète ça. Fait que... C'était peut-être un Juicy Fruit. Dans ces années-là. On sait jamais. Il n'y a pas de goût longtemps dans cette gomme-là. Maintenant, j'aime toujours parler un peu des animaux, hein, car il y en a tellement. Là. Donc, un animal que j'ai choisi, commençant par la lettre C pour aujourd'hui, parce que la prochaine fois, je vais vous en présenter un autre, c'est le chameau. Chameau! Ah, combien de bosses, celle-là, non? Le chameau. Ben, chameau, combien de bosses? Ouais, question. Deux. Dromadaire, deux. Chameau, une. Non, dromadaire, trois. Chameau, deux. C'est dur à retenir, ça. C'est pas le truc? Non. Au primaire, ils nous disaient ça. Quand tu dis chameau, c'est deux syllabes. Chameau, dromadaire. Ah, c'est trop facile. Ben, le chameau a deux bosses, mais le dromadaire en a juste une. Il n'y en a pas trois. Ah, c'est vrai. Elle pensait m'avoir, mais ben, non! Moi aussi, quand j'ai lu le truc, j'étais là, ouais, chameau, oui, ok, mais dromadaire. Très bon. Ben oui. Je me sens moins pire que tantôt. C'est vrai, c'est on est vrai. Au même niveau, Tania et moi. Ouais, bon, voilà. Ben, le chameau, ça fonctionne. Ça aurait été bon, dromadaire, trois bosses. Donc, il existe trois espèces de camélus, hein, ou les chameaux. Alors, le premier, le chameau de Bactriane, ou le camélus bactrianus, qui a deux bosses. Pardon. Est-ce que c'est Bactrianus qui t'a fait ouais, j'ai comme stické là-dessus. Wow, c'est plus mon genre de choses qui me ferait que le tien. Hein? Okay. En lisant, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire comme joke là-dessus? Ah, ouais. Mais bon. Je me retenais. Il n'a rien dit encore. T'es chanceuse. Tu vas écouter l'émission toute l'avant-midi. C'est l'ananus, je me retenais. Toute le matin. Ça ressortira peut-être. Oui. Donc, encore un autre gag de mauvais goût, ça sortira peut-être. C'était plus fort que moi. C'est déplacé. Bon, d'accord. Oui. Donc, chameau de Bactriane, hein, on va le dire à la française, c'est plus beau. Alors qu'il y a évidemment deux bosses et qui est d'origine asiatique. Ensuite, vous avez le camélus dromedarius, donc le dromadaire, ou chameau d'Arabie, qui a une bosse. Il vit dans l'ouest du continent asiatique et en Afrique du Nord. En troisième, vous avez le camélus ferus, qui est un chameau sauvage de la Tartarie, qui a été reconnu tout dernièrement. Donc, on pensait que tout le monde, c'était soit des chameaux ou des dromadaires, mais on s'est rendu compte qu'il y en avait une autre espèce dernièrement. Mais je ne pourrais pas vous dire depuis quand exactement. Chameau et dromadaire se mélangent parfois, hein, donc ça c'est crée... des petits animaux... Ben oui, hein, des petits animaux. Une bosse et demie. Une bosse et demie. Ben, le petit du chameau et du dromadaire s'appelle le turcoman. OK. Mais pourquoi pas, hein? Ben oui. Question de même que je me suis demandé, un chameau, hein, parce que vous savez que dans sa bosse, il y a plein de graisse, ouais. d'eau et tout ça, donc... mais est-ce qu'un chameau peut mourir de soif? J'imagine je veux dire oui. que oui, éventuellement, si mettons... C'est comme nous, ouais. on est composé à je sais plus combien de pourcentage d'eau, mais on peut mourir de soif. S'il n'y a pas de source d'eau pour s'abreuver. Oui. Oui, oui, oui, donc oui, il peut mourir de soif, mais c'est quand même très long. Ça va prendre 2 à 3 semaines avant qu'il ait épuisé ses réserves là, de graisse et tout ça. Donc, dans les bosses sur son dos sont remplies d'un maximum de 35 kg de graisse. Et au besoin, il peut diminuer son métabolisme, moins uriner, moins suer et tout ça pour justement garder tout ça le plus longtemps possible parce que les chameaux sont très... forts, ils peuvent marcher là, plusieurs semaines dans le désert et tout ça, mais il faut trouver quand même des points d'eau, les laisser se reposer. Alors, l'animal peut oxyder la graisse dans, dans ses bosses grâce à des enzymes, puis ça en libère l'eau. C'est ça qui fait qu'il peut tenir aussi longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ses bosses là, sont vides, si on veut, ben, elle tombe sur le flanc de l'animal. Hein? Donc. Waouh, pour vrai, c'est comme une poitrine. Ça finit par tomber. C'est l'effet de la gravité. Ouais. Ou de l'oxydation, dans son cas. Alors, elle tombe sur son flanc. Elle peut passer deux à trois semaines durant la saison chaude sans boire, mais 4 à 5 semaines dans la saison fraîche. Donc, un peu plus qu'un mois sans boire ni manger. C'est fort quand même. Ouais. C'est long, hein? Ouais. Donc, pour que ces bosses remontent, hein, ça doit être quand même spécial à voir. Chirurgie plastique. La chirurgie du chameau. Il est chanceux, lui, ça lui prend juste un bon repas puis une bonne nuit de sommeil, puis boum, ça remonte. On aimerait ça, nous autres, hein? Ouais. Tout remonte aussi facilement. Alors, il peut boire jusqu'à 135 litres d'eau en 10 minutes. Aïe, 135 litres! Wow. C'est pas rien, hein? Il l'aspire grâce à ses lèvres qui peuvent prendre la forme d'une ventouse. Fait que là, il est en mode turbo-aspiration, là, donc... 135 litres! Tasse-toi le monsieur. Madame. Ouais, ça aspire, mon gars. Toi dans ta bouteille devant le micro. C'est quelque chose. L'espérance de vie moyenne d'un chameau est quand même de 60 à 70 ans. Donc, il peut vivre très vieux. Fait que c'est un bon animal de compagnie. Oui, c'est à la place pour. Ben oui, c'est ça, parce qu'il mesure quand même jusqu'à 2 mètres de haut. Absolument. C'est pas rien, hein? Il peut supporter de moins 25 à 50 degrés Celsius d'écart de température. Polyvalent, pas mal. Très, très fort. Autrefois, les dromadaires avaient deux bosses aussi. Mais c'est l'évolution qui a fait que maintenant, ils en ont juste une. Parce que je vous rappelle que les dromadaires vivent plus dans des endroits chauds. Les températures sont assez stables. Mm-hmm. Donc, ils n'avaient pas besoin de s'adapter puis de pouvoir survivre très, très longtemps dans la nature. Tu peux te dire que j'ai un problème avec l'autorité puis qu'il y avait trop de boss pour lui. Il voulait être son propre travailleur autonome. Ça, t'as tout compris. Une boss. C'est ça, on va régler ça. Mais le petit dromadaire dans l'utérus de la mère a deux bosses qui fusionnent aussi. Ah, wow! À mesure là, qu'il grandit et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant à savoir. Là, c'est le chameau parce qu'il doit survivre à des grands écarts de température, lui qui a gardé les deux bosses, finalement. Cool! Mmh. Tout autre sujet, le couponing. Le couponing, en tout cas. Oui. Le couponing. Les fous du coupon. Oui. Ouais. Ben, en fait, j'en parlerai pas très, très longtemps, mais si vous êtes maniaque, moi, je le suis pas. Là, c'est juste parce que je trouvais ça comique. Vous pouvez économiser jusqu'à 2000 $ par an avec des coupons. Ah, c'est ça vaut la peine. C'est juste beaucoup de travail. Oui, mais si vous voulez pas perdre de temps, il y a deux sites Internet, ou même trois, que j'ai trouvé, là, il y a tout là-dessus. Là, donc, couponiac.com, qui ont aussi une page Facebook. Et vous avez aussi québecéchantillongratuit.com et onmagazine.ca. Alors, vous avez à la fois des coupons et aussi des gratuités. Vous pouvez faire des tests, vous pouvez faire des sondages en ligne pour gagner des affaires. Fait qu'en tout cas, si vous êtes de ce type-là, essayez. Ça peut être intéressant. Ensuite, moi, j'aime bien les jeux. Alors, dans les jeux que j'ai trouvé qui commençaient par C, ben les cartes à jouer. C'est pas mal la base pour les cartes à jouer. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Ça. Ça date. Hein? Mais avec ça, date. On peut jouer tellement plein d'affaires. Tellement. Pige dans le lac. Comment? Oui. Pige dans le lac. Pige dans le lac, je connais pas le pige dans le lac. Tu connais pas dans... Non. Ben voyons. Ben voyons donc. Ou 52 cartes ramasses. Oui, hein? Le plus facile. Ouais, c'est ça. Elle est tellement drôle, celle-là. D'après vous, ça a été inventé quand, les cartes? Faut que ça finisse par genre 40 cartes. Genre 1940. Non, c'est sûr, c'est vieux, là. Ça doit être le jeu le plus vieux au monde, les cartes. C'était en l'an carte. Après, ça, puis la toupie. Je pense que la toupie, ça a été le premier jeu inventé. Les cartes, je dirais genre des années 1860. Ah, ben trop récent. Moi, je vais dire en 1001. En fait, c'est au 7e siècle que les cartes ont été inventées dans la dynastie Tang, donc en Chine. Quand c'est les livres. Le jus d'orange. Non, le Tang. Tangerine, non? Le jus Tang. Tu connais pas le jus Tang? Ah non, je connais pas le jus Tang. Les astronautes boivent ça. Ah! En poudre. Ben là, d'abord, c'est les astronautes en boivent. Tu sais, faut que t'en boives toi aussi. Quand même. Tu vas flotter. Bref. Donc, c'est la dynastie Tang, c'est elle qui a fait que les livres sont passés du rouleau à la feuille. OK. Alors, ça viendrait d'eux, mais les plus anciennes qu'on a aujourd'hui, en notre possession, datent de 1400. Ah! J'étais vraiment plus proche que toi. 1400, ouais, hein, on n'était pas loin avec 1400, oui. Quand même. J'aurais dit ça. Alors, elles étaient à la base longue et étroite, faites de fines bandes de papier de quelques centimètres, seulement imprimées en noir. Ah! Peut-être plate. Minimaliste un peu, ouais. Quand même. Ça devait mieux se tenir, par contre. Des langues de papier. Peut-être, oui. On a aussi en notre possession des cartes plus exotiques qui nous viennent d'Inde, donc traditionnelles, qui sont rondes. Hein? Les cartes indiennes étaient rondes. Ah, wow. Mais tu dois pas jouer au... Ça doit pas être les mêmes jeux, là. Tu dois pas jouer à 52 Raymond, c'est ça. Ouais, hein. C'est un peu plus dur. Et elles avaient des avatars de dieux indiens, évidemment, dessus, donc peintes à la main. C'est après avoir cheminé à travers le monde arabe et l'Égypte des Mamelouks en 1370 que les cartes sont arrivées à Barcelone et à Florence. On en avait 52, fait que ça fait quand même longtemps que ça existe, les 52 cartes. Dans le temps, il y avait 4 séries de 10 cartes de points, donc les cartes avec les chiffres là, dessus. Et 3 cartes d'honneur, le roi, le vice-roi et le second. Le vice-roi. Ça doit être la reine, second. Ça. Non, second, ça doit être la reine aujourd'hui. Je sais pas, c'est une bonne question. Tu vas voir ça. Ah. Alors ensuite, quand les cartes sont arrivées en Espagne et en Italie, on a adopté les 4 couleurs égyptiennes qui étaient les coupes, les pièces, les bâtons et les épées. Ah! Qui ont changé quand on est arrivé en Allemagne pour les cœurs, les grelots, les glands et les feuilles. Ah, ben oui! Les glands, ça doit être le trèfle. Aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, une belle suite de glands. Voilà. Et en France, ben la dame succédait au vice-roi. Donc, Tania, t'avais raison. Ouh. Voilà. Et puis, eux ont mis les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques. Donc, c'est les Français en France. Qui ont fait ça? Oui, c'est en France. Pour une fois, ils font quelque chose de bien. Non, c'est une joke. Oh. C'est une joke. C'est une blague. Et pourquoi? Ben, ces cartes-là sont restées, hein, donc sont devenues la référence mondiale. C'est qu'en fait, au 16e siècle, la France est devenue le grenier à cartes de l'Europe. Okay. Ah ben. Ça doit être eux qui devaient produire le plus grand nombre de cartes. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, la qualité et l'abondance du papier, la facilité de reproduction des couleurs qui utilisait que le rouge et le noir a fait que c'est ça qui est resté puis qui est maintenant partout aujourd'hui. Fait intéressant, j'ai parlé dans une récente chronique qu'il y avait eu une cinquième catégorie pendant un certain bout de temps, les aigles. On avait essayé de faire un jeu de cartes à cinq catégories pour jouer avec les plus de aigles. Cartes. Ouais, c'est des aigles. C'était aux États-Unis, je me rappelle bien, mais pendant une courte période de temps, c'est une parenthèse dans l'histoire. Mais c'est pas Texas? Ouais, je pense que les aigles, bizarre. Pour jouer au poker, c'était plus compliqué. Ouais. Non, c'est ça. Encore un petit jeu facile, hein, évidemment, le cube Rubik. Ah, oui. Fallait que j'en parle un petit peu. Facile, moi, je trouve pas ça tant facile. C'est toujours au cube qui a juste quatre couleurs, c'est juste quatre carrés par rangée. J'ai un ami, là, il est accro à ça. Là. Salutations à Paul Ricard s'il nous écoute. Ouais. Là, c'est un gars, là, tu vas y donner, 15 minutes après, il va avoir fini le cube Rubik. Hein. Ce qu'il fait ça avec les, tu sais, il y a comme des rangées de comme 20 cases par côté. Oui, il fait ça, là. Wow. Ah, c'est ridicule. Ouais. Wow. C'est quelque chose, hein, quand c'est, même. Ouais. Moi, quand on était jeune, on changeait les colonnes de place. Oui. Puis là, après, ça marchait plus. Il n'y avait plus rien à faire avec ça. Donc, c'est en 1974, le Hongrois Erno Rubik qui a inventé le cube Rubik. Donc, lui, en fait, c'était un professeur de mathématiques. Alors, il avait construit un cube pour amener ses étudiants à deviner c'était quoi le mécanisme interne pour les amener à s'intéresser à la géométrie en trois dimensions. Mm-hmm. Donc, c'était ça le but original. Mais il n'y avait pas de couleur. Hein? À la base, c'était juste des blocs là, comme ça, là, juste parce que le but, c'était juste de comprendre les trois axes là, qui font bouger les cubes du cube Rubik. Alors, en voyant à quel point ses étudiants étaient intéressés par tout ça, il a décidé de rajouter des couleurs. Puis lui, il a appelé ça un casse-tête mathématique. À la base, ça s'appelait juste un casse-tête mathématique. Les gens n'auraient jamais joué à ça, un casse-tête mathématique. Ben, où tu perds, là, c'est ça. Casse-tête mathématique. Fait que ça s'est répandu en Hongrie, ça a gagné en popularité avec le bouche-à-oreille et tout ça. Alors, en 1979, il y a un écart qui est signé avec Ideal Toys pour le distribuer au niveau mondial. Puis eux décident d'appeler ça le cube Rubik. Là, le marketing, évidemment. Ils l'ont la fin. Rubik's Cube. Alors, 20 mai 1980, ça s'en va à Londres, à New York, à Paris. Et de 1980 à 1982, combien de cubes Rubik on a vendu? Et... Ah là. Oh non, c'est ça, c'est vraiment beaucoup, là. Pas, sûrement pas des milliards, quand même. Ben, attends, là. Parce que, mettons, en le nombre deux de gens ans? Qui sont... Ouais. En deux ans. Peut-être qu'ils sont partout rendus, mettons, dans le monde? Oui. 750 millions. Je dis n'importe quoi. Pour pas aller au milliard, mettons. Trois quarts de milliard. Je veux dire un milliard. OK. Ah, ben ça a été les années records des cubes, mais vous avez été trop généreux. Ah, donc, il me semblait aussi, je savais qu'il fallait pas aller trop loin. 100 millions de cubes. Bon. C'est quand même pas rien. En 1981, Patrick Bosser, un écolier, ou Bossert, j'imagine, parce qu'il est britannique, donc 12 ans, il avait 12 ans, il a publié la solution détaillée. C'est la première solution Comment, détaillée. Comment le réussir? Oui, okay. En 1981, qui s'appelait « You can do the cube », qui s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. Hey, lui a 12 ans, là, c'est quelque gars. Chose. Maintenant, il existe plein de méthodes de résolution, même des vidéos sur YouTube. Là, donc, la fameuse méthode, hein, bon, ouais, on la connaît toute, couche par couche. Couche par couche, ben oui. Ou la méthode sandwich, la méthode Lars Petrus. Donc, il y a des méthodes qui portent les noms là, de ceux qui les ont inventées. Et la méthode corners first, mais il y en a plein d'autres. Là, si vous allez sur Wikipédia ou Google. Mais j'aime la technique des coins en premier, un peu comme un casse-tête. Oui. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Quand même. Donc, le nombre de positions différentes est supérieur à 43 trillions. Wow! Imagine le cube Sutra que ça ferait. Comment le cube? Ouais. Hein? OK, oui. Ouais. J'aime. Alors, si on passait en revue 1 milliard de combinaisons différentes par seconde, ça nous prendrait 1200 ans pour toutes les épuiser. Bon, faut commencer maintenant. Eh oui. Mm-hmm. Puis si on pourrait recouvrir plus de 275 fois la surface de la Terre avec des les configurations différentes. Ouais. La pratique qui consiste à résoudre le plus rapidement possible un cube Rubik s'appelle le speed cubing. C'est une speed dating. Mais oui, speed cubing. Avec la méthode la plus simple et beaucoup de pratique, ça vous prendrait moins d'une minute pour le résoudre. Moi, j'aimerais ça essayer ça. Ouais. Je trouve que c'est un beau défi. Mais les meilleurs au monde les font en moins de 15 secondes. Aïe. Il y a une légende qui dit que M. Rubik, ça lui aurait pris, lui, plus d'un mois à résoudre son propre problème. C'est gros pour lui. C'est sa bébelle, puis il n'est même pas capable de le faire. C'est long. Il y a le World Cube Association qui fait des championnats, évidemment, de résolution de cube Rubik avec des règles classiques comme chacun doit avoir son propre... Je suis assez étonnée. Chacun doit avoir son propre cube. Ben, ah ouais, toucher, moi, je pensais que ça allait être l'association qu'elle allait donner en début de compétition. Ça a l'air que... Ouais. Je sais pas, non. Chaque candidat doit avoir son cube qui peut être lubrifié. Ah, ben oui, si tu veux que ça tourne mieux. Ouais. Si t'as un ami chameau, là, par exemple, ouais, tu peux te graisser. C'est ça. La position initiale, par contre, doit être la même pour tous. Oui. Je sais pas comment ils font jusqu'à quel point pour vérifier ça. Le temps le plus rapide est de 4,904 secondes. Okay. 4 secondes! Oui. Il va lubrifier sur un méchant temps. Hey, c'est quelque chose, hein, par un cubeur. Ceux qui résoudent les un cubes cubeur. Rubik s'appellent des cubeurs. Wow! Le meilleur record du blindfolded, donc les yeux bandés. Comment tu fais pour faire ça? Ils font les yeux bandés. Il doit avoir des petits... Des petits points, c'est sûr qu'il, c'est sûr qu'il y a du braille là-dessus. Sur les surfaces. Pas croire. Du braille ou du morse. C'est quelque chose. 30 secondes. Attends, les yeux bandés. Parce que 4 secondes, là, pas bandés. Fais. Ouais, 30 secondes, bandés. C'est vite, le 30 secondes. Si tu peux battre le 4 secondes, les yeux bandés, c'est ça que je veux que quelqu'un batte. Faut qu'il réussisse ça. C'est quelque chose. Sinon, je te respecte pas. Ouais, mais tu sais, ça veut pas dire qu'il y a du braille partout sur le cube. Mais il y en a peut-être juste sur les faces. Il doit en avoir par milieux, les couleurs, il doit avoir un point par couleur. Probablement. Parce j'espère. Que sinon, tabarouette. Mais cette année, le 23 janvier, parce que là, ils développent des robots pour tout, hein, le robot Sub One a résolu dans le Cubicon Store de Munich, en Allemagne, un cube Rubik en 0,887 secondes. Même pas une seconde! Hey, ça, c'est un bâtard. C'est fou, ouais. Là. Il l'a pitché dans les airs, puis ça a juste donné que ça a tourné. Wow. Il l'avait lubrifié à sa puissance 10. Il avait un super chameau. C'est ça. Donc, voilà. Et pour terminer, ben, petit bout de vocabulaire. Ah, hein, oui, je vous finis fun. Tout en ça avec ça. Que voudrait dire le verbe « caleter »? Caleter. Comme, comme une calotte, bien caleter, puis des caleçons. Donc, c'est porter une casquette pour te cacher parti. C'est ça. Caleter ou caleter? Les deux se disent. Ouais, ton histoire de calotte, c'est pas mauvais. Non, dis pas ça. Mais non, mais tu sais, une calotte cervicale, une calotte cervicale. Ben, je veux pas dire une calotte cervicale, là, mais tu sais, quand que tu vas te faire opérer, ils t'enlèvent la calotte. Oui, c'est vrai. Bon. Peut-être. Ça serait l'action de. C'est, ou sinon, c'est calfeutré, mais sans le feu. En fait, c'est s'en aller rapidement ou s'enfuir. Ah, OK. T'es proche. Bon. Tout simplement. T'es pas loin, hein? celui-là, je vais vous le dire, parce qu'il est un petit peu plus évident. Bon, un cobaye. C'est quelqu'un qui fait une expérience? Quelqu'un qui fait une expérience. Donc, sujet d'expérience, c'est un mot amérindien en passant. Mais un cobaye, c'est aussi un mammifère rongeur d'Amérique du Sud qui est élevé justement comme animal de laboratoire. Ah, c'est méchant. Alors ça, je trouvais ça intéressant. Qui est aussi un genre de cochon dingue, là, dans le fond. C'est pas mal un cochon dingue. Et si la personne qui s'occupe de toi, c'est Mitsu, ben c'est cobaye bye, mon cowboy. C'est bon, ça. Que veut dire « candir »? Candir. Comme des candiratons? Ah, peut-être, candir. C-A-N-D-I-R-E, genre. C-A-N-D-I-R. Ah, ça peut être des cadeaux. Ou E aussi, oui. Ah, on peut mettre un E, donc ça peut être au féminin. C'est un prénom. Candide Raton. C'est le nom d'une fille. Je veux dire que c'est une espèce de bibitte, je sais pas. OK. Ben, en fait, c'est cristallisé ou se candir, c'est en parlant du sucre. Ah. Qui se cristallise. Ou en parlant des fruits. On va candir des fruits. Hein, les petits fruits là, qui sont comme un couvert de sucre, là, les vrais fruits, là, pas les jujubes, là, les fruits candis. C'est comme confire, mais de notre candy. Façon. Candis. Eh bien, candis. Eh oui. Ce sont des fruits candis. Oui. Qu'est-ce que c'est que... Ma candis, hein? Oui. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'un capricant ou une capricante? Là, c'est un adjectif. C'est dans la même famille que le capricorne. Oui, qui porte des pantalons capri. Capri au magasin, voilà. Capri au magasin. Ça. Ouais. Ça doit être une espèce animalier, là, je sais pas. Animalière. Ben, vous étiez pas loin avec les affaires de Capricorne, hein? Donc ça vient du latin capra, chèvre. Alors, ça signifie fantasque ou désordonné. Ah! Félicitations, Tania. Ben oui. Carcinoïde, qui est un adjectif ou un nom masculin. C'est quoi ça, un carcinoïde? Carcinoïde, on dirait cancérigène. La pharmacie. Ça, ça sonne espèce mammifère marin. Est-ce que tu vas dire animal à chaque question? Ben, honnêtement, là. Honnêtement ça sonne un petit peu animalier, Rick, un peu. C'est une chèvre. C'est une chèvre. C'est une belle. C'est une chèvre qui nage. Une bosse. Ben, carcinoïde, Mathieu, encore. Ça dit d'une variété de tumeurs bénignes ou peu malignes qui atteint surtout le tube digestif. Hein, tu trouveras pas ça à SPC. C'est clair que tu savais ça. Carcinoïde. Et finalement, ça serait quoi un chalin? Ah, là, c'est un animal, là! Ça, c'est sûr que c'est un animal! C'est un nom masculin. Non. En Acadie, c'est un éclair de chaleur. Un comment, non? Ah, un chalin. Un chalin. Wow! Chaleur de chaleur. C'est tellement hot, c'est comme rock classique avec Chalet Lefebvre. Oh, oh, oh! Chalet! Chalet l'affaire! Sauf une faux chalet. Voilà, c'est tout. C'était ma blague. Bon, OK. Fallait comprendre. C'était pas la meilleure. Bref. Merci, Virginie. Fait qu'on finit sur un éclair de chaleur. Moi, je trouvais ça sympathique. Ah, ben oui. Fait froid aujourd'hui. Ah, voilà. Cette chronique nous rend contents, je pense. Ben hein? Oui. Curieux. Comblé, peut-être. Comblé. Vous allez l'être encore plus avec un petit bout, peut-être, la prochaine. C'est ah, peut-être le reste des C, parce que t'as pas encore fini d'explorer ça. Mettons que t'as pas encore circoncis la lettre au complet. Non. Pas circoncis la lettre au complet. Je dirais circonscrit, moi, plutôt que circoncis, là, mais bon. Ça dépend de tes convictions. Un autre C. Merci, Véronique Mire. Ben, ça me fait plaisir. On te retrouve aux deux semaines, les jeudis. Alors, début d'émission vers les 7h35. Mmh. Et je crois qu'on a trois autres chroniques d'ici la fin de la session. Mais après ça, on verra. Merci encore, Véronique Mire et le Véronique Sionnaire. Au retour de la pause, ça va être le moment de manger très bientôt avec la chronique Une grosse pointe à l'adresse. C'est de retour à Assemblage requis. Restez là. Vous êtes assez fait. 89.1. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 3 mars 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Et qu'on a donc eu du fun avec Véronique Mire. Pour vrai, ça me manquait cette chronique-là. Mm-hmm. T'sais, on flatte les chroniqueurs parce qu'ils sont tous bons, là. Mais cette chronique-là, je trouvais qu'elle était fabuleuse. Ben oui. On va se le dire. Donc, les Véroniques, c'est là, aux deux semaines, soyez-y. On n'a pas écouté de musique à part dans le milieu de la chronique de Véronique tantôt, donc je pense qu'on est dû pour une petite chanson. Mm-hmm. On va se dérouler le rebord pour gagner, comme on dit, hein, chez le restaurant... ça, là, où qui vendent des beignes. Des trous de anus amibilis de chameau. De... Fallait être là tantôt ben oui, pour comprendre sais, le jeu de mots d'anus. Hein. Donc, voici Roll It avec Nap Eyes. Ah, tu sais, je récompense les gens qui écoutent depuis le début. Ben oui, voilà. T'sais, on a parlé d'anus. Que... Enfin, on n'a pas vraiment parlé de... Ouais. Just got to accept. And I'm no better for getting sick of getting no break. The feeling is something like disrespect. Except it doesn't even know I exist. Why didn't he roll? Didn't he have a feeling to go on? Why didn't he roll it? Didn't he have a feeling to go on? Why didn't he roll it? Didn't he listen to our song? Why didn't he roll it? Now being a stranger in a strange, strange town, didn't you hope that everyone would come on and crowd around? La pièce. Est-ce que c'est la pièce qui est Nap Eyes ou le groupe qui est Roll It? Le nom de la pièce c'est Roll It et le nom du band c'est Nap Eyes. Voilà. Assemblage requis. Maintenant, tiens, je viens de recevoir la livraison instantanée sur la table du studio par Tania Baudin. C'est incroyable. C'est une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit acheté en épicerie ou en pharmacie. Et aujourd'hui, on va boire des choses. Et je viens de penser au fait que non seulement Tania était allée chercher le produit dans le tiroir magique, mais en plus, je pense, je sais pas si pour toi, là, à moins que tu sois vraiment pas dédaigneuse. Ouais, je me disais la même ça chose. Ça te dérange pas? Parfait. Sinon, j'aurais demandé d'aller chercher des verres parce qu'on va goûter à quelque chose qui se boit aujourd'hui. C'est rare qu'on boit des choses. Mm-hmm. Premièrement, parce que, Colin, des fois, je préfère manger à boire. Des fois, je m'abreuve pas assez. On dirait que je vois pas de grands nouveaux produits à boire autant que de la bouffe. C'est pas pour toi. Hein? C'est vrai. Donc aujourd'hui, on va boire ces merveilleuses boissons qui vont être à une température quand même assez correcte. C'est pas froid, mais c'est correct. Là, je voulais pas les laisser dehors, sinon ça allait geler. Donc c'est de l'eau énergie de la part de Gourou. Ah, OK. Tu connais Gourou, compagnie... il me semble que c'est québécois, Gourou. Si je me souviens bien, c'est québécois, c'est naturel. C'est mieux que du Red Bull, mettons. Exactement. Et on est habitué de goûter à leurs boissons énergisantes, d'habitude. Mm-hmm. Je connais beaucoup de gens qui ne jurent que par ces boissons Gourou. Ça fait effet, en effet, pour moi aussi. J'adore ça. Mais là, ils ont sorti de l'eau énergisante. Deux saveurs en épicerie. Donc, j'ai amené les deux. Okay. J'ai amené la saveur de pamplemousse pétillant. Nous qui aimons le pamplemousse rose. On adore le pamplemousse rose. Et on a aussi lime pétillante. Oh, d'accord. Donc les deux vont être disponibles. On va goûter les deux. C'est de l'eau gazéifiée. C'est de la boisson énergie caféinée avec de l'eau surtout. Okay. Donc on va lire sur les canettes. Canettes qui sont très très métalliques dans leur apparence. Mm-hmm. Très minimalistes. On a seulement mis une petite ligne, une courbe qui passe du long de la bouteille. Et le logo Gourou en très très gros, un petit peu verticalement placé. Et avec les dessins des fruits tranchés en quartier, si on veut. C'est quand même assez joli. Mais ça rend la lecture difficile. Donc ingrédients, eau gazéifiée, c'est vraiment difficile à lire. Érythritol biologique, c'est un édulcorant naturel. Okay. Édulcorant veut dire là, pour sucrer, pour donner un petit goût de sucré. Jus de pamplemousse rouge biologique concentré. Saveur biologique de pamplemousse. Évidemment, vous aurez compris que j'ai la canette de pamplemousse en ce moment. Ouais. Extrait de thé vert biologique infusé avec 100 mg de caféine. OK. Donc, dans le fond, c'est du thé vert qui donne la sensation d'avoir de l'énergie. Un petit boost, ouais. Acide citrique et extrait de stevia biologique. Encore une fois, stevia qui est une alternative au sucre. C'est un projet sans OGM vérifié. Marque de commerce distribuée par Gourou Beverages. Ça dit teneur élevé en caféine. Contient 100 mg de caféine de source naturelle de thé vert biologique par canette. Attention, déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes, ça va? Oui, c'est bon. Qui allaitent, c'est cool. Ouais, c'est bon. Et aux personnes sensibles à la caféine. On est correct. Ne pas mélanger avec de l'alcool. On sait qu'au pamplemousse rose, ça ferait d'excellents drinks, par contre. Ah, c'est vrai. Ah, oh ouais. Consommation, 2 canettes maximum par jour. C'est consigné là où applicable. Une canette est de 355 ml. Ça dit, il y a un slogan dessus. Good energy, smart organics. Donc, bonne énergie, bio. Ou encore, bonne énergie et bonne bio. Zéro calorie, bio. Zéro calorie, bio. C'est tout ce que ça dit. Là, j'ai fini de lire la canette sur le pamplemousse rose. OK. Du côté de la lime, les ingrédients changent un petit peu. T'as du jus de citron biologique concentré, arôme biologique de lime et le même extrait de thé vert biologique infusé. Le reste, c'est la même chose. Aussi 355 ml, aussi bio, aussi zéro calorie et aussi fabriqué au Canada. Mais le jus de lime est biologique. Est-ce que le jus de pamplemousse, c'est... biologique aussi, oui, t'avais dit? Aussi, oui, oui, exact. Exact. Okay. Donc les deux sont dans la même mouvance, mm-hmm, d'essayer de se booster un petit peu l'énergie sans avoir une tonne de sucre parce qu'il y a zéro calorie. Mm-hmm. C'est des édulcorants, des alternatives au sucre. Donc on devrait quand même s'en sortir santé avec ces boissons-là. Puis là, on fait un mélange de thé vert et de caféine. J'ai hâte de voir. Absolument. Ben, en fait, c'est le thé qui donne l'effet, ouais, de caféine. Il n'y a pas de caféine en tant que tel. Mais 100 mg de caféine? C'est 100 mg de caféine, mais tu sais... Et là, je me rappelle pas parce qu'on avait une chronique de thé dans le temps. Okay. Évidemment, j'ai tout perdu la théorie de ça. Mais que dans du thé, c'est de la théine, mais en tant que tel, c'est physiquement la même, molécule, genre. Que la caféine. Ouais, donc en tant que tel, oui, il y a de la caféine, sauf qu'on l'appelle de la théine, sauf que là, sur la canette, c'est marqué caféine. OK. Mais la théorie est loin dans ma tête. Je te passe ça dans le corridor anti-dégâts du studio. de notre merveilleux studio. Donc les deux canettes sont transférées. Je sais pas laquelle tu vas vouloir ouvrir en premier, mais on va s'ouvrir le micro magique parce que c'est ça l'important pour pouvoir bien entendre le décapsulage en fait de ces canettes qui sont du même format qu'une gourou normale. Donc en tant que tel, on va, ouais, on devrait entendre le son d'une canette pétillante. Quand même. C'est je vais sentir. Pamplemousse rose. Pamplemousse rose, yes. Ça sent le pamplemousse rose. Fantastique. Tu sais, on peut pas. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier, mais ça sent quand même le pamplemousse rose. Naturel, là. Tu sais, quand tu te coupes un pamplemousse pour déjeuner, okay. Ça sent pas, pas les bonbons pamplemousse, mettons. Ouais, parce que c'est bon quand même, les bonbons oui, quand même. J'ouvre l'hymne. Ouais, ouais, pourquoi pas. On va avoir les odeurs des deux en même temps. Oui. Ouh. Il était plus difficile, celui-là. Ouais. Oh! Là, je pense que moi, dans la vie, là, la lime, ça me parle. Ouais. Ça sent très bon. Je trouve que ça sent le Mountain Dew, en fait, celle-là. OK. Bon, ça, s'il y a de quoi de chimique, c'est bien du Mountain Dew, mais bon. Mais, qu'est-ce qui sent, ça? Ben, c'est vraiment la lime, en fait. Il y a un petit peu de thé. Est-ce que tu sens un petit peu le thé? Un petit peu. Dans celui à la lime, ouais. Un peu plus que celui au pamplemousse. Mais le pamplemousse, ça sent tellement fort que ça doit piler par-dessus à peu près tout. Ouais, mais on sent un petit peu le thé vert dans celui à la lime, je vais t'avouer. Bon, ben... Allons-y, Chin-Chin, est-ce que tu commences par... Je vais commencer par la lime, tiens, tu commences par... OK, ça va être difficile, ouais. Je vais me lever pour celui-là, je pense. OK. Je vais le prendre par en haut. Et merci beaucoup. C'est difficile, on fait vraiment attention ici, fait quand même... OK. On s'échangera tout à l'heure. Donc, je commence par le pamplemousse, c'est toi par la lime, je te laisse commencer si tu veux. Est-ce que mon micro est ouvert? Non. Je vais ouvrir l'autre. OK, je vais y aller. Comme je disais, la lime, je le sens quand même, le thé vert, donc j'ai hâte de voir. Ah, tu vois? Ah, OK. Ça sent beaucoup la lime. Mais ça goûte pas tant. Mais ça goûte plus le thé que la lime. Mais est-ce que t'aimes ça? J'aime ça. Mais t'aurais pris plus de lime. Ouais, j'aurais peut-être pris un petit peu plus de goût de lime. Mais vu que c'est des produits naturels, tu pourrais probablement mettre de la vraie lime dedans aussi. Tu pourrais probablement te le verser dans un verre et te rajouter une tranche de lime. Probablement. Ça c'est fait pour être de l'eau. Ça va quand même marquer eau énergie. Oui. De l'eau, ça goûte rarement le fruit tant que ça. Je vais t'avouer que ça... Il y a ce goût-là d'eau qui... Ouais. Ben, en fait, c'est pas vraiment un goût parce que l'eau, ça goûte pas grand-chose. Un manque de goût. Mais, ouais, c'est ça. T'as vraiment l'impression que c'est une eau pétillante à quelque chose, mais que ça sent plus que ça goûte. Comme une eau, en fait, au goût de quelque chose. Je vais te confirmer tantôt si t'as raison. Moi, je vais goûter le pamplemousse. Oui. Attention. Très subtil, ça goûte le diète à la mort, je trouve. Ouais, vraiment. C'est vraiment, ça goûte vraiment l'eau qu'on aurait rajouté comme un petit peu, tu sais, les gouttes d'eau que tu mets dans de l'eau, là, mm-hmm. Les petites saveurs en gouttes. Mais si t'en avais mis juste genre une, ouais, c'est vraiment dilué. Ça goûte le dilué. Ça sent plus que ça goûte. C'est très bon, mais c'est très dilué. Ça sent plus que ça goûte, en effet. Une autre gorgée, voir. Ok, tu y vas avec une géante gorgée. C'est très faible. Mais c'est faible comme goût. Le goût de pamplemousse est là et ça me rappelle, je t'ai déjà parlé que j'adore l'eau Perrier à saveur de pamplemousse rose. Je l'adore, je la trouve fantastique. Mm-hmm. Ça me rappelle quand même ça. OK. Donc au moins, ils ont réussi leur goût, je trouve. Est-ce qu'on s'échange? Est-ce que tu viens me le porter dans ton ouais, OK, c'est bon. J'ai tellement peur de faire des dégâts dans ce studio-là, c'est incroyable. On fait beaucoup trop attention, en même temps, on n'est jamais trop prudent. Merci, Tania. Donc je vais goûter la lime étant donné que je suis présent ici. Attention. Je pense que je préfère la lime. La lime goûte plus que le pamplemousse rose. Ah oh ouais, tu trouves, mon Dieu, moi ouais. Je savais pas que... Si tu trouvais que la lime était fade dans le gourou là, tu vas trouver que le pamplemousse goûte presque pas. OK, j'y vais pour le pamplemousse. Ben, tu vois? Tu trouves le contraire? Ouais. Ah oui? Je trouve que le pamplemousse goûte plus que la lime. Ben, voyons donc. C'est drôle. Je sais pas. T'sais, évidemment, nos goûts, nos bouches sont différentes. Nos papilles gustatives sont différentes. Il n'y a pas personne qui peut vraiment comme avoir la réponse exacte, mais moi, je trouvais vraiment que la lime était plus puissante. Je trouve que le pamplemousse a l'air un petit peu plus sucré, naturel. Ah, OK. Oui, probablement. Il y a ce petit côté-là qui a l'air d'un petit peu plus d'un... Je veux pas dire un jus, mais... Ça goûte plus le sucre que la lime. Ouais. En tant que tel, comme on a dit tantôt, il n'y a pas de sucre en tant que tel. C'est y a un édulcorant naturel qui est de l'érythritol et du stevia. Donc le stevia peut-être goûte un petit peu. Je sais pas, j'ai pas goûté à tant de choses au stevia parce que c'est quand même si ça fait longtemps que ça... Ben pas longtemps, mais Mettons qu'il y a plusieurs produits qui ont du stevia, mais moins que d'autres édulcorants. C'est encore beaucoup trop, malheureusement, l'aspartame et l'acésulfame de potassium et trucs comme ça qui sont utilisés dans ce que je bois d'habitude. Le stevia est une autre alternative et on l'utilise de plus en plus dans du yogourt, entre autres. Mais je sais pas si ça a un petit goût particulier parce que j'ai pas encore assez goûté. Mais en tant que tel, c'est bon. Oui, c'est bon. Tant qu'à boire de la boisson énergisante, je boirais ça. Ça pourrait être ça. Ouais. C'est ceux qui aiment pas le goût vraiment archi sucré des boissons énergisantes habituelles. Vous allez préférer ça. Puis en passant, pour les gens que ça intéresse, c'est sans OGM, sans gluten et c'est un produit vegan. Oh, végétalien. Ouais. Ben, Caroline, c'est réussi. Moi, pour vrai, je vais, même si j'adore la saveur de pamplemousse rose, étant donné que je trouve qu'elle est faible, je vais donner mon approbation plus à la lime, mais je donne un pouce en l'air aux deux. Oui, oui, moi aussi, pouce en l'air. Je trouve ça moins agressant, comme tu le disais, que des boissons énergisantes. Moi, j'aime beaucoup le goût des boissons énergisantes quand même, mais bon. Des fois, il faut se retenir et y aller avec, voyons, la gorge aujourd'hui. Bon, mais là, on boit du pétillant depuis tantôt. J'ai fait un petit roux intérieur, d'ailleurs. Comme on a goûté à notre produit de la semaine, maintenant c'est le moment de parler de nouvelles de fast-food. Commençons avec Subway qui révèle son nouveau poulet rôtisserie style. OK. Aux États-Unis, donc c'est du poulet élevé sans antibiotiques. Ça s'en vient chez Subway à partir de cette semaine, le 1er mars en fait. On l'a vu aussi en test l'année passée aux États-Unis. La nouvelle option viande blanche est décrite comme ayant un profil de saveur assaisonné et cuit lentement. Oh. Et ça va être effiloché à chaque localisation de Subway, donc on va vraiment le faire à la main. On va venir défaire des morceaux de poulet à la main, à la place d'avoir des petits casseaux de poulet comme on a habituellement chez Subway. Ça fait changement. Ça contient aucune couleur artificielle, aucune saveur artificielle, aucun agent de conservation. Agent de conversation, c'est l'émission du poisson d'avril que je vais faire depuis des années. Et ça fait partie d'un engagement par la chaîne de sandwich de transitionner à ne servir que des protéines élevées sans antibiotiques. Le poulet style rôtisserie est une addition permanente au menu avec un prix suggéré de 4,75$ américains pour un 6 pouces et 7,75$ pour un pied, donc 12 pouces. À partir du 1er avril, les bandes de poulet, donc les bandelettes, les côtelettes, les petits bouts de chunks de poulet, vont aussi être libres de tout agent artificiel, saveur, agent de conservation et tout, et élevés sans antibiotiques. Donc, on parle encore une fois que des États-Unis. On va voir si ça se fait au Canada dans les mêmes moments ou plus tard. Évidemment, ça va venir, on n'a pas le choix. Ensuite, on va chez McDonald's qui livre des macarons directement à la porte des gens en Corée du Sud. Oh, c'est vraiment une fun! Des petits macarons livrés directement à votre porte via le service McDelivery en Corée du Sud. Les macarons sont fabriqués en France par Châteaublanc. Encore un petit roux. Quatre saveurs disponibles, vanille, framboise, chocolat et caramel. Ça coûte 1800 won par morceau, évidemment. 1,45$ américain. Sur le service de livraison et on ajoute à ça cappuccino, un espresso par livraison et ça vous donne une petite collation d'après-midi. Si vous êtes en Corée du Sud, sachez que le minimum de livraison est de 6,43$, environ 5 macarons ou même des churros chez McDonald's. Ben oui, je viens de voir ça. Les churros! Sauf que si tu prends les churros, juste savoir que la trempette, faut que tu la commandes à côté aussi. Oui, la trempette au chocolat, mettons, j'avoue. Elle vient pas directement avec. C'est un autre 500 won comparé à 1800 won pour les churros. Enfin bref. On va chez PFK maintenant qui lance les tacos au poulet frit en Corée du Sud. On reste au même endroit, mais on change de chaîne. Donc KFC PFK offre des tacos remplis de bandes de poulet frites en Corée du Sud. C'est des Zinger Tacos, similaires à ce que Taco Bell fait avec leur Cheesy Gordita Crunch. Donc c'est un taco croustillant avec donc de la un tortilla à la farine, oui, à la place d'un gordita. Et tout ça tient avec une couche de sauce au fromage. Et à l'intérieur de la coquille, il y a donc des bandes de poulet Zinger frites, de la laitue, des tomates, des oignons et de la salsa. Zinger fait référence, bien sûr, vous le savez, à leur poulet croustillant, les célèbres Zinger chez PFK. Le terme n'est pas utilisé aux États-Unis, mais on l'utilise au Canada. Je crois que c'est Zinger. Il me semble qu'on l'appelle comme ça. Il me semble que c'est Zinger. Je ne pourrais te dire. PFK Canada. Comment est-ce qu'on appelle leur... Il me semble que c'est Zinger. J'avoue que ça fait un petit bout que je peux aller encore. Une fois par année, tu sais. Hey, même pas. Même pas? Non? Je pense que c'est une fois aux 5 ans. Oui, c'est le Zinger. Ça s'appelle le Zinger ici aussi. Mais aux États-Unis, ils l'appellent pas comme ça. Puis aux États-Unis, tu sais, chez PFK, ils ont pas de frites. Ils ont des patates pilées. Fait qu'ils sont bizarres, les Américains. Ensuite, vu sur les tablettes Starbucks, version café noir glacé. Miam. Non, c'est du café noir qu'on peut ajouter du lait ou peu importe, mais quand même, ça vient en bouteille. Est-ce que c'est une bouteille ou une canette? Je crois que c'est une bouteille avec un grand goulot au-dessus, je crois. Est-ce que tu es capable de déterminer si c'est un... parce que la photo a été prise pour pas qu'on voit le dessus, mais il me semble que ça ressemble à une bouteille avec un grand goulot. Ouais, ça me semble. Ouais, ouais, je pense que ouais. Ça ressemble à ça. Hein, bref, soit ça ou à une canette. Ça pourrait être une canette, mais je sais pas ça. T'as une version sucrée, une version non sucrée. Donc, c'est du café glacé medium roast. Oui, ça se débouche, je pense bien. Parfait. Donc, c'est un mélange latino-américain du café premium de 11 onces liquide, 325 millilitres. C'est du café noir. C'est la première fois que Starbucks sort du café noir, à ma connaissance. D'habitude, c'est Valais Française qui sort. Mm-hmm. Ils sortent tellement de sortes de Starbucks. C'est génial. Mais du café noir, j'avoue que je prendrais probablement ça. Ouais, vraiment. Ouais, une petite gorgée. Puis là, ils l'ont vu chez Walmart. C'est sûr, c'est aux États-Unis, mais j'espère que ça va être transféré ici aussi. Certainement. Excuse-moi, il fallait absolument que je prenne une gorgée. Il n'y a pas de problème. Mais oui, Starbucks, leur café, en canette et en bouteille, sont déjà disponibles. Donc, certainement qu'on va voir arriver ce café noir bientôt. Mais en même temps, c'est la raison d'être de cette chronique-là, c'est non seulement pour avoir des trucs qui se passent ailleurs dans le monde et être jaloux. C'est le but principal pour moi. C'est vrai. Mais aussi d'être à l'avance sur les connaissances culinaires. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent plus tard. Par exemple, le prochain certainement va s'en venir ici. Probablement que c'est déjà commencé. Ooh. Ou sinon dans les prochaines semaines. C'est de la Bud Light Lime. Oui. Tu connais leur margarita. La raspberryta. Strawberryta. Oui, exactement. Ils vont avoir le. Et là, ils commencent à tirer le jeu de mots pas mal. Ouais, moi aussi, je trouve. Mais c'est Watermelon Rita. Oh là là. Oui, donc au melon d'eau. Bud Light Lime à la melon d'eau. Ça, je dois avouer là, que l'été, quand tu te fais bronzer. Ah ouais. Hein? Ah, j'en ai goûté, puis j'avoue que j'aime bien ça moi aussi. C'est ça se prend bien. C'est un peu bas de gamme comme alcool, mais quand même, ça coûte pas cher. T'en prends pas 12, évidemment, là, parce que. Et c'est rafraîchissant, donc ça dit de le sur de la glace. Qu'est-ce qu'ils ne mettront pas avec le mot Rita après? Pour l'instant, c'est Watermelon Rita. Ça ensuite, bon. On reste dans un truc fruité avec 7-Eleven qui offre des sodas de chez Jones Soda, mais exclusifs. Tu connais les Jones Soda? Oui. On les voit en épicerie, c'est bon, ils ont gomme ballon bleu. C'est vrai? Ils ont plein de sortes, le root beer, fraise, peu importe. Mm-hmm. Donc 7-Eleven qui est maintenant partenaire de Jones Soda Company. 7-Eleven étant une sorte de dépanneur, une ligne de dépanneur aux États-Unis. Donc pour un nouveau soda co-branded, donc avec la marque de 7-Eleven et la marque de Jones Soda, qu'on appelle 7 Select Crafted by Jones. Donc 7 Select créé à la main, genre confectionné par Jones. Il y a 5 saveurs. T'as agrumes tordus, twisted citrus, fruit loose au punch aux fruits. Ok. Coco loco lily nut. Là, j'ai de la misère à savoir, mais coco, noix de coco, loco comme fou, lily, je sais pas trop, lila peut-être, nut comme noisette, lily nut. Je comprends pas ça là. Je la comprends. Noisette et ouais, je sais pas. Mais bon. T'as tropical slam rambutan et blues berry smash, donc au bleuet. C'est fait de saveur naturelle avec du sucre de canne et non pas du sucre, du faux sucre, sirop de maïs ou peu importe. Là. Mm-hmm. Chaque bouteille de 20 onces va entre 180 et 195 calories. 75 mg de caféine par bouteille de 20 onces. Et un peu comme les Jones Soda habituels, les bouteilles sont décorées avec des images soumises par les clients de 7-Eleven et de Jones Soda. C'est eux qui mettent une photo en noir et blanc sur leur bouteille. Ah oui. On peut les trouver dans les 7-Eleven participants aux États-Unis et on peut suggérer des nouvelles saveurs et des soumissions de photos pour les futures étiquettes via leur hashtag 7SelectXJones. Ensuite, McDonald's, on y retourne, qui essaie d'élever un petit peu le sandwich au poisson d'une coche avec du saumon pané à Singapour. OK. Donc, on essaie d'upgrader un peu le mec poisson. Comment est-ce qu'il s'appelle, le mec poisson? Non. Le mec fish. Mec filet de poisson. Mec filet. Bref. Avec le nouveau saumon pané avec du paella, ça s'appelle New Breaded Salmon with Paella Spice Mix au à Singapour. Pourquoi j'arrête pas de dire au Singapour? Je ne sais pas. C'est comme au Japon. Mais ça dépend. Alors, dans la langue française, même chose qu'en anglais, on sait jamais, tu sais, le « la », faut-tu pas mettre d'article, faut-tu mettre un « o », faut-tu... Mm-hmm. Ça dépend du pays, on dirait que c'est comme au feeling, faut-tu au feeling. C'est vrai. En tout cas. Donc, la caractéristique principale de ce nouveau sandwich de poisson, c'est une boulette fabriquée de morceaux effilochés, ben, tu as des chunks, de poisson sauvage, de fromage cheddar en dés, de poivron rouge et jaune, d'un mélange d'épices à la paella, okay. Et on a aussi de la petite mix de salade, de mayonnaise et un pain multigrain. Hmm. Ouais. Donc, typiquement, une recette de paella, c'est du safran, je sais pas en français ce que c'est une sorte d'épice, de l'ail, du persil et de l'oignon, habituellement. Donc le sandwich est après des plaintes de la part de clients qui disaient que ça manquait d'excitation, de trucs vraiment le fun, de nouveau dans le menu à Singapour. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire ce sandwich-là. Vous pouvez aller voir la publicité qui doit être très très asiatique. J'ai envie de l'écouter juste pour le c'est fun. C'est très très basic. Basic? Ah ouais, ok. On va regarder quand même. Oups, j'ai pas le volume, attention. On va repartir ça avec le volume. Ploup. Dear McDonald's. Cher McDonald's. Is everything okay? Est-ce que tout va bien? Your menu's been kind of expected. Votre menu est pas mal plat. Don't you think? Tu trouvais pas? Where's the zest? Where's the excitement? Où est l'excitation? Been eating the same fish burger on mange for 30 le même years. McFilet depuis 30 ans. Maybe it's time you guys c'est peut-être le moment de faire quelque chose de nouveau. Certaines marques s'échappent à leurs critiques. Chez McDonald's, nous les embrassons, nous les encourageons. Le nouveau saumon pané chez McDonald's, vous l'avez dit, nous l'avons fabriqué. J'aime McDonald's. C'est bon, hein? C'est ça. C'est cute. C'est cute quand même, tu sais. Mais dans pour la vrai... vidéo, t'as l'impression que le gars, il est en train de créer un hamburger genre... ouais, de luxe. Style d'un resto 5 étoiles. Mais non, c'est du McDonald's. McDonald's. C'est bizarre aussi qu'ils disent qu'il n'y a pas d'excitation dans le menu de McDonald's à Singapour, alors qu'il y a beaucoup plus de variétés qu'aux États-Unis pour le Canada. Ensuite, toujours une autre vue sur les tablettes, c'est édition limitée pour les super guimauve jumbo banana split. C'est des guimauves de différentes saveurs dans le même sac, donc t'as banane, chocolat et fraise, évidemment, saveur artificielle. C'est fait pour ressembler à un banana split, donc t'as la banane, t'as les fraises et t'as le chocolat. T'as pas la crème glacée et la cerise, malheureusement? Non. Ils ont manqué leur chance là-dessus? Ah, mais non, mais là, c'est les guimauves. C'est ça, c'est les guimauves. Prends en note les guimauves. Mais ça manque de cerises. Pour vrai, je m'excuse, là, mais pour faire la promotion, il aurait dû avoir une guimauve aux cerises. Comme sur un banana split, t'as une cerise et là, il faut se battre pour la partager. J'avoue que ça aurait été un bon marketing. T'as bien raison. C'est moi, je suis de même, je pense à ça. IKEA donne à tous ces restaurants américains un makeover, une transformation extrême parce que tout plein de gens sont là juste pour la nourriture, de toute façon. Hein? C'est vrai. Quand on va chez IKEA, évidemment, ton cerveau va te dire « Je veux des boules de viande, je veux un poisson pané avec une petite sauce à côté, là, tartare, c'est donc bon. » Donc, selon le Washington Post, la division nourriture incluant les produits pour emporter chez IKEA a vu un pic, un high de 8% de plus en vente par rapport à, j'imagine, l'année passée. Ça le dit pas, mais j'imagine. Donc, pour que les gens continuent de revenir, IKEA donne à ses 41 restaurants américains un makeover dans les prochains mois. Donc, on va changer d'un espace ouvert à un concept en trois zones. Tu sais, chez IKEA, si tu es déjà allé récemment, c'est une grande cafétéria. Oui, c'est vrai. Y a vraiment, tu sais, vraiment un convoyeur, si on veut, avec la fabrication de la nourriture derrière. Tu passes avec ton cabaret, tu vas dans une grande cafétéria. On change trois zones. Donc, il y a une zone qui va avoir des tables hautes et des bancs de bar. OK. La deuxième portion va être pour les familles. OK. Avec des tables. Et la troisième zone va être un petit peu un genre de café avec des divans et des chaises. Donc, ça va ressembler énormément à un McDonald's récent. Donc, ceux qui ont été refaits récemment, comme sur des forges, t'as vraiment l'espace bar, t'as l'espace assis, t'as l'espace table, t'as l'espace table de cafétéria. Il y a tout ça chez McDonald's en ce moment. Donc, on va faire un petit peu la même chose chez IKEA. Les meubles, ça, c'est une bonne nouvelle. Les meubles vont être des meubles IKEA. Ah, ben oui, évidemment. Ben oui, pour pouvoir se faire attention à ses fesses. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est chez IKEA. Ça s'en vient dans les prochains mois. Bout par bout, on va y aller graduellement. J'imagine que ça va arriver ici éventuellement, peut-être à la fin. Hein. Et est-ce que tu as vu, on annonce aussi une version VG des petites boulettes. Ben voyons donc. Je te le dis. J'en veux. Oui. Au tofu. Je sais pas si c'est au tofu, ça dit seulement qu'il va y avoir une version VG des fameuses boulettes de viande IKEA et qu'il va y avoir aussi du poulet. Ah! Ouais. Est-ce que leur bâtonnet de poisson va changer? J'espère que non. Ah, je penserais pas. Ensuite, on va chez McDonald's, Tania, avec McDonald's qui va servir des livres à la place des jouets. Ah, c'est une bonne idée, ça. Dans ses jouets festins. Ben ouais. Donc, une des joies de notre enfance a toujours été de recevoir des petits jouets fabriqués en Chine, hein? Mais maintenant, McDonald's veut changer son image aux États-Unis. On prévoit donner des livres à la place des jouets. Servi avec les joyeux festins, on va distribuer des titres, dont les livres le livre de Michael Bond, Paddington, Clark, The Shark Takes Heart, de Bruce Hale, Pete the Cat, Valentine's Day School, de Kimberly and James Dean, et finalement, Happy Valentine's Day Mouse, par Laura Numeroff et Felicia Bond. Les livres vont être un format petit pour pouvoir entrer dans les boîtes de joyeux festins. L'initiative est un partenariat entre HarperCollins et Reading is Fundamental, une organisation OSBL qui focus sur la promotion de la lecture chez les enfants dans les communautés, entre autres, désavantagées. Sur le site, ils disent que leur but est non seulement de distribuer des livres à des enfants qui en ont besoin, mais aussi d'amener une passion pour la lecture chez les enfants. On espère leur développer une passion pour la lecture pour qu'ils deviennent de meilleurs étudiants et qu'ils soient plus au courant du monde autour d'eux. Voilà. Intéressant quand même. C'est pas permanent, c'est une promotion à temps limité. Donc ça va durer du 9 en fait ça durait du 9 février au 15 février dernier. Mais une idée qui pourrait faire son petit chemin. Petit bonhomme de chemin. Ensuite, les nouvelles procédures de sécurité alimentaire chez Chipotle aux États-Unis. On va entre autres fermer le restaurant si quelqu'un vomit. Hein? Ouais, donc récemment, les restaurants Chipotle ont dû fermer jusqu'à 15 heures pour que 50 000 employés dans les restaurants puissent s'asseoir dans une salle de conférence ou dans des cinémas pour regarder un live stream à travers la compagnie au grand complet sur la sécurité alimentaire. Le futur de la chaîne était en jeu et leur tâche était de prouver au public qu'ils n'essayaient pas de nous rendre malades, parce qu'il y a eu beaucoup de cas de gens qui sont tombés malades après avoir mangé chez Chipotle aux États-Unis. Donc, c'est ça, on a parlé de plein d'incidents, de E. coli, entre autres, dans différents États, après avoir eu ça et différentes autres maladies, des neurovirus, à Boston, entre autres, pour les étudiants, des étudiants de Boston University qui allaient tous manger là et qui ont été malades. On a parlé beaucoup de ça dans les médias. Les ventes de ce restaurant-là ont descendu de 36% par rapport à l'année dernière. La compagnie devait donc affronter cette tempête médiatique. Ça a mené donc à cette grosse réunion. Il y a des photos sur assemblagerequis.com, des salles de cinéma où les gens pouvaient regarder le live stream devant eux. Il y a des journalistes qui ont pu s'y rendre et ils ont partagé ce qui s'est passé à l'intérieur de la pièce, des pièces. Et c'était pas mal exactement ce qu'on pense. Donc, des vidéos d'instructions répétitives sur comment nettoyer leur cuisine, les politiques de santé, les questions du public, des trucs comme ça. Donc, deux annonces qui valent la peine d'être mentionnées au nom d'employés. Pour commencer, ils ont annoncé l'addition de 3 journées de maladie par rapport à ce qu'ils recevaient à chaque année. Donc, les employés qui avaient des symptômes communs d'intoxication alimentaire seront envoyés à la maison. Ils vont devoir rester à la maison jusqu'à 5 jours. 5 jours qui vont être payés. C'est supposé couvrir une période pendant qu'on est encore contagieux par rapport aux maladies alimentaires, surtout les neurovirus super contagieux. Et une autre chose très importante dans leur politique chez Chipotle, encore une fois aux États-Unis, c'est que si quelqu'un vomit dans un restaurant, la place au complet va fermer pour être nettoyée, pour empêcher la... Pas une mauvaise idée, là. Comment est-ce que tu dirais? Contamination. La contamination. T'es forte. Voilà, et ça inclut les clients. Donc tout le monde va partir du restaurant parce qu'ils ont vraiment peur pour leur réputation. Déjà qu'ils ont 36% moins de ventes que l'année passée. Ouais. Trop de gens malades. C'est pas une bonne chose. Ensuite, les magasins aux États-Unis pourraient ouvrir plus de restaurants à l'intérieur de leurs magasins pour essayer d'attirer plus de public. Si vous avez déjà visité un magasin que grande surface comme Macy's à New York, vous avez présentement plus que des vêtements et des accessoires et des trucs pour la maison. Le magasin de Herald Square est maintenant l'heureux hôte d'un restaurant dans le magasin Macy's. Ah, un peu comme Walmart et McDo ici. Exactement, un peu comme Target avec Starbucks aussi à l'époque, la belle époque. Macy's et d'autres magasins essaient de monter un petit peu les ventes en utilisant une vieille stratégie. Tu te rappelles, même le Zellers avait un restaurant avant, puis c'était donc bon, leurs patates frites, c'était bon. Donc l'idée proposée par l'expert en vente Warren Schulberg chez The Robin Report nous dit donc que les magasins veulent être une destination non seulement pour les clients qui veulent ajouter du linge ou une nouvelle paire de jeans, mais aussi attirer les gens pour qu'ils restent toute la journée en allant manger là. Ah, c'est bien. À la place d'aller à la foire alimentaire du milieu du mail, aussi beaucoup de grands magasins qui ne sont pas dans un mail, donc qui n'ont pas de restaurant, à moins de devoir sortir et d'aller à un restaurant au coin de la rue. Si le restaurant est dans le magasin standalone, ça pourrait les aider à remonter leurs ventes. Ensuite, un jury du Wisconsin rejette l'excuse d'un homme qui conduisait sous l'influence. Lui, il disait qu'il avait mangé du poisson à la bière. Et c'est pour ça qu'il était saoul. Hein? Donc, faut que t'en aies mangé pas mal, hein? C'est l'histoire d'un gars donc, qui a échoué son test de sobriété parce qu'il avait mangé du poisson à la bière avant de monter dans sa voiture et non pas parce qu'il avait bu de l'alcool. Il a passé son cas devant le cours du Wisconsin où un jury a décidé que son excuse était vraiment pas très bonne. L'homme de 76 ans a été accusé d'avoir opéré son véhicule en intoxication. Il a été arrêté en décembre 2014 avec une lumière brisée sur son camion. Donc, un député lui a dit qu'il avait traversé en fait la ligne du centre de l'autoroute tellement il était saoul. Donc, il était dans son camion puis il a traversé la ligne du milieu. L'officier a senti l'alcool dans son haleine. Le rapport policier dit qu'un test de sobriété a révélé que son niveau d'alcool dans le sang était de 0,062, bien au-dessus de la limite de 0,02, qui est dans le fond pour dire que t'es saoul, hein, si on veut. La police n'a pas cru son excuse et même chose pour le jury qui l'a trouvé coupable de conduite sous influence. 10e offense. 10e offense. Il a opéré avec une concentration élevée d'alcool et opéré pendant que son permis ne. Il a opéré un véhicule pendant que son permis était en suspens. Voilà. Une date pour sa sentence n'a pas encore été donnée. Ensuite, un homme mange 46 McDonald's à Londres en une seule journée et a survécu pour pouvoir raconter son histoire. Wow! 46 restaurants. Dans sa vie, t'as sûrement pas visité 46 restaurants. Peut-être 46 McDonald's, je parle. Mm. Évidemment, quand même pas 46 restaurants. C'est rare qu'on se rende jusque-là, mais un brave homme a réussi à faire le tour des 46 dans Londres en une seule journée. Son plan était de se rendre là à travers la journée, de filmer ça pour YouTube. Bref, il faisait vivre ça aux gens sur YouTube. Évidemment, bon, là, tu te dis, OK, j'aurais pu juste prendre une frite à chaque fast-food en une journée, puis ça arrive bien. Non, c'est un repas complet? Non, non, non, c'est un repas complet. En effet, en essayant différents repas à chaque restaurant et en voyant à la fin s'il allait aimer ça ou détester ça. C'est une petite parodie de I'm loving it, on comprend. Au début de son bec marathon, c'est ce qu'il a dit. Donc, il a commencé en mangeant 7 déjeuners. Hein? Donc, burrito déjeuner, des crêpes, un McMuffin et tout ce que son cœur désirait. Ensuite, il est passé à des croquettes de poulet. Des burgers, des wraps et d'autres trucs de jour. Et après une douzaine de visites environ, il se sentait plein. Il a célébré en allant manger un joyeux festin pour rendre hommage à son enfant intérieur. En continuant la soirée, il a loué un vélo louable, un Boris qu'on appelle, un peu comme un Bixi, mais un Boris là-bas. Et il est passé au service au volant sur son deux roues. Évidemment, on l'a servi quand même. À la fin, son corps était complètement plein, son portefeuille complètement vide. Il a dépassé les $130 américains, 90 livres sterling sur son McMarathon. Mais il a souri même jusqu'à la fin de son 46e périple. Est-ce que tu imagines à quel point il a été malade? Ah. Yeah, il aurait fallu fermer le Chipotle s'il allait manger là à la fin. Parce qu'il aurait sûrement vomi son repas. Probablement. C'est clair que le gars, il a mal filé toute la nuit après. Ouais, mais il a accompli son défi, puis c'est ça l'important de la chose. Ensuite, t'as peut-être rêvé quand t'étais jeune. En fait, tu l'as peut-être même fait quand t'étais jeune. Tu sais, quand tu fais des bulles dans les airs, tu te dis, hey, les bulles sont-tu mangeables? Quand, tu veux dire des bulles de savon? Des bulles de savon, mettons dans les airs, là, tu souffles, ouais. Ça fait des bulles. Est-ce que t'as déjà essayé de manger ça, peut-être? Tu sais, comme c'est du savon. On mange de la neige, on mange de la pluie, puis on sait pas, c'est plein de trucs toxiques. Peut-être que t'as voulu manger des bulles, mais peu importe. Maintenant, il y a des bulles mangeables fabriquées aux États-Unis pour les enfants de 5 ans et plus. Ah! Ça s'appelle Can Delicious Bubbles, des bubbles you can eat, bulles que vous pouvez manger. Blow 'em, catch 'em, eat 'em. Soufflez-les, attrapez-les et mangez-les. Des bulles et une baguette sont incluses. C'est testé pour la sécurité des enfants, approuvé par le bonheur des enfants. Donc, c'est par la compagnie Little Kids Inc. qui a réussi à concocter des bulles qu'on peut non seulement manger, mais qui en plus goûtent bon. Ben. Hein? Mon Dieu, je sais pas si c'est ta saveur de raisin. Ça le disait pas sur l'emballage, mais ça le dit dans l'article. Donc, t'as différentes saveurs. T'as cerise, okay. Raisin, gomme ballon, évidemment. Évidemment. Et tutti frutti. Ah, ben oui, ça aussi, c'est un classique. Ça a du sens, sauf qu'évidemment, là, ça pourrait être peut-être un petit peu confus pour les enfants si vous achetez une fois ça, puis la prochaine fois, vous achetez des vraies bulles. Ouais, c'est vrai. Ils vont vouloir les manger. Elle est disponible en poche de 20 ml pour 2,99 $ ou en ensemble avec une machine pour souffler des bulles. C'est une machine qui souffle elle-même les bulles pour 13 $. Génial, ça. Mm-hmm. Génial. La science. Merci, science. Ensuite, une nappe blanche et une bouteille de vin a changé le repas d'un couple chez Taco Bell en véritable festin de la Saint-Valentin. Dépendant de votre point de vue sur Taco Bell, ça pourrait être une place super cheapo pour manger votre fast-food ou encore une place très très trendy parce que, Colin, il n'y en a pas beaucoup les Taco Bell, donc quand tu y vas, tu te sens comme privilégié un petit peu d'y aller. Donc, c'est un homme en Nouvelle-Orléans qui dit à WWL-TV qu'il a essayé de faire une vraie réservation de Saint-Valentin pour sa copine et lui dans tous les restaurants locaux, mais tout le monde avait déjà toutes les réservations prises. Sûrement parce que c'est pris le 14 février au matin. Hein. Donc, est-ce qu'il est allé au supermarché pour s'acheter un beau petit repas? Non, il y a un Taco Bell au coin de la rue. Donc, il les a appelés pour réserver une table. Hein? Donc, on leur a préparé. On l'aura pas préparé. Le couple a dû amener lui-même. Donc, le gars a amené lui-même sa nappe blanche, sa belle vaisselle, des coupes de vin et surtout du vin. L'équipage, oui. Donc les employés du restaurant ont même pris leur commande à la table et leur ont servi le repas sur les assiettes qu'ils avaient achetées exprès pour la soirée. C'est cute. C'est-tu pas magnifique? Il y a des franchises de McDonald's qui sont très populaires pour leur repas de mariage. Donc, Taco Bell maintenant qui entre un petit peu là-dedans. Pas vrai? Ouais, malheureusement. en fait, je pense qu'on devrait s'arrêter là puis continuer après la pause. Non, c'est vrai, t'as ta chronique à toi. Oui. On va continuer d'abord. Donc, McDonald's. On va continuer d'abord. McDonald's qui s'associe avec Chobani pour tester du yogourt grec dans ses smoothies, c'est parfait, en Caroline du Sud. Aha. McDonald's qui essaie de faire la nourriture plus santé. Essaie d'attirer des clients affamés et qui veulent avoir une bonne santé avec un partenariat avec Chobani. Selon l'Associated Press, environ 800 McDonald's en Californie vont tester des parfaits et des smoothies fabriqués à partir de yogourt grec populaire. Non, attends, pas yogourt grec. Yogourt à la grecque. Parce que le yogourt n'est pas grec s'il n'est pas fabriqué en Grèce, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, un porte-parole pour la chaîne gigantesque de fast-food a confirmé les tests, mais a dit que c'était très prématuré de déterminer si ça allait prendre de l'expansion. Les restaurants participent aux tests en offrant le menu Simple Delights avec des smoothies faits avec du chobani, des parfaits au yogourt et d'autres nourritures comme des tranches de pommes qui sont bonnes pour la santé. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que ça dit? Oui, ils ont commencé à tester des bols déjeuner le matin. Des bols avec des blancs d'œufs, de la saucisse à la dinde, des épinards et du chou frisé, entre autres. Alors qu'il y a un autre bol qui contient, lui, des œufs brouillés, du chorizo et des patates à déjeuner. Bon, donc, c'est une bonne idée. Moins santé, par contre. Ouais, celle-là, peut-être moins. Un peu moins santé. Voilà, là c'est vrai, c'est terminé. On est terminé pour une grosse pointe d'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Allez-y, savourez ça pendant que nous on termine avec notre gourou eau énergisante. Au retour de la pause, Tania Baudin et sa collègue Tania is gonna entertain ya. Et dans une demi-heure environ, ce sera Génie en liberté. Restez sur les ondes de C'est fou! Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 3 mars 2016 avec Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, on est seul encore pour le reste de l'émission. Ben oui. Absolument, mais tantôt on va voir Samuel Gérard pour Génie en liberté qui s'en revient à 9h30. C'est vrai. Restez là. Mais maintenant, c'est le moment de retourner la caméra 3, parce que c'est la seule qu'on a achetée, mais on l'a appelée la caméra 3, vers Tania. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! She's gonna today! Est-ce que c'est... il me semble qu'on n'a pas fait beaucoup de chroniques. T'étais pas là hier. J'étais pas là hier, non, en effet. Y a-t-il une journée où t'en as pas fait en plus, non? Cette semaine? Non. Je crois pas. Je sais pas, mais bref, ça me manque. Ben, merci beaucoup. Tania, donc on parle aujourd'hui de quel sujet? Bien, on va parler un petit peu du cerveau, plus précisément un petit peu du savoir et de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau exactement. Donc, je vous explique, c'est qu'en fait, j'ai deux articles desquels j'ai trouvé très intéressant à lire et je me suis dit, il faut absolument que je parle des deux. Premièrement, parce que le premier était quand même court, mais c'est très, très, très intéressant. Donc, pour venir compléter. Je me suis dit que j'allais parler de l'autre aussi. Donc, vous allez voir ces deux articles très différents. Le premier, je l'ai trouvé grâce à notre chroniqueur Jimmy Thibodeau du mardi. Qui l'a tout simplement posté sur Facebook cette semaine. Et ça m'a beaucoup intéressé de voir où est-ce que la science s'en allait et où un jour la science pourrait arriver. Donc, sur cet article-là, on va vraiment parler du savoir et de l'acquisition du savoir. C'est en fait... une équipe de chercheurs aux États-Unis, en Californie, qui ont trouvé, qui ont étudié ce que l'on pourrait appeler la neurostimulation et aussi le savoir rapide. Donc, je vous explique. On s'est un petit peu inspiré du projet qu'on peut voir dans La Matrice avec Keanu Reeves. Ouais. On se souvient, dans le fameux film de Keanu Reeves, on peut le voir apprendre le kung-fu en quelques secondes. Grâce à un casque qui lui est posé sur la tête, on lui transmet l'information de comment savoir exercer le kung-fu. C'est un petit peu la même chose que l'équipe s'est basée, sur laquelle l'équipe s'est basée pour pouvoir faire leurs recherches et leurs études, mais vous allez voir que c'est aucunement la même chose, bien évidemment. La Matrice, c'est de la science-fiction, mais quand même, l'idée même du projet vient de cette fameuse neurostimulation-là que l'on voit dans le film. Donc, en fait, comment est-ce que ça se passe? C'est que ça se passe, tout ça se passe au laboratoire HRL en Californie, et c'est une équipe de médecins, une équipe d'étudiants, des scientifiques, quoi, qui se sont penchés sur la question d'études que l'on observe, comme je le disais dans le film La Matrice, qui est la neurostimulation. Donc, de booster le savoir à l'aide de la science de l'électricité. OK. Là, inquiétez-vous pas, on donne pas de choc nerveux à votre cerveau. Ça. Parce que honnêtement, si vous lisez l'article, on ne dit en rien que c'est pas ça. Il faut vraiment aller... OK, on dit pas que c'est pas ça. C'est ça. Il faut vraiment aller écouter le vidéo qui est mis dans l'article pour réaliser que c'est pas nécessairement des chocs qui est transmis. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, l'étude, en fait, a été faite sur plusieurs... cobayes, appelons-les des cobayes, ouais, qui ont décidé de se prêter à l'étude. Et on a vraiment catégorisé nos gens en deux catégories. Donc, on avait les pilotes d'avions de pointe, comme exemple des pilotes d'armée, d'un côté, et des pilotes à n'en devenir de futurs l'autre pilotes. Côté. Okay. Donc, on avait ceux qui étaient déjà experts et ceux qui ne le sont pas encore. Ceux qui vont le devenir dans quelques temps à la suite de leurs études. Les apprentis, les novices. Appelons-les les novices. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que pendant quelques jours, on a mis ces fameux experts-là dans un simulateur d'avion et on leur a mis un casque sur la tête pour étudier comment fonctionnait leur cerveau lorsqu'ils étaient à bord du simulateur d'avion. Parce que, bien évidemment, eux connaissent le savoir qu'il faut y avoir lorsqu'on est un pilote de pointe. Donc, ils ont déjà cet acquis-là dans le cerveau. Mais comment aller la chercher? Ça, c'est quelque chose d'autre. Et c'est là vraiment que la première partie de l'étude a pris place. C'est qu'on a vraiment analysé tout ce qui était le chemin électrique fait dans le cerveau par ces pilotes-là. Et où ça s'en allait dans le cerveau, d'où ça partait, qu'est-ce que ça faisait exactement, quels étaient les chemins électriques du cerveau à ce moment-là. On a analysé ça pendant quelques temps. On en a produit un casque avec des... c'est vraiment un casque avec des suces, des ventouses, en fait. Ouais, c'est ça, avec des ventouses. Et on les a placés par la suite sur les têtes des apprentis pilotes. Mais là, il faut savoir que... cette fameuse étude-là, parce que si vous écoutez la vidéo, vous allez voir à un moment donné, je me suis comme posé la question, OK, mais comment est-ce qu'ils font pour transmettre ces connaissances-là? Pour uploader ça, là. Oui, c'est ça. C'est que ça passe par plusieurs branches électroniques qui sont branchées exactement dans le casque. Donc, le casque est comme vraiment comme dans la matrice, en fait. C'est comme fait de caoutchouc et ça va vraiment venir coller sur... La tête et le crâne. Crâne, ouais. Mais là, à un certain moment, dans la vidéo, on voit qu'il y a quand même des seringues qui sont utilisées. Mais j'ai comme l'impression... j'ai l'impression que c'est la gélatine qui est mise dans les suces pour que, justement, notre cerveau crame pas. Oui, donc, on insère cette fameuse gélatine-là et par la suite, avec les fils qui sont sur le casque, donc si jamais vous allez voir la vidéo, si ça vous intéresse, en fait... Sur la page Facebook d'Assemblage Requis, vous allez voir que le casque, c'est pas un casque qui est pas relié à absolument rien. Le casque est relié à un ordinateur qui, lui, a déjà tout analysé le cerveau des experts. Donc, de ce côté-là, on imagine que l'information va être transmise justement par ces espèces de fils électroniques-là qui sont sur le casque. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a fait, comme je le disais, c'est qu'on a vraiment analysé où est-ce que ça passait lorsque les experts savaient quoi faire dans le cerveau. On a analysé tout ça, on a pris ces informations-là et c'est comme si on en avait fait une formule informatique et par la suite, quand on met le casque sur la tête de l'apprenti, on va vraiment venir retransmettre cette information-là, cette fameuse formule-là. Au même endroit dans le cerveau et on va essayer d'aller activer de façon électronique les mêmes cellules du cerveau et les mêmes endroits dans le cerveau que les experts ont déjà. Mais on veut savoir si ça fonctionne. Bien là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il faut savoir que ça va pas faire comme dans la matrice. Là. Vous allez pas apprendre à être un pilote d'avion expert en 5 secondes ou en 5 minutes. Ça va prendre quelques jours, en fait. Mais déjà, à la suite de 4 jours d'études, on a remarqué 33% d'efficacité. Ben voyons donc. 33% d'efficacité. C'est déjà bien, là. Les apprentis, les novices qui allaient là avec simplement une base étaient 33 fois plus performants qu'à la base. OK. À cause de, justement, tout l'acquis qui avait été fait par les experts avant qui ont été mis dans leur cerveau. C'est qu'on est vraiment allé comme titiller, mettons, les parties du cerveau qui sont les mêmes qui sont utilisées par les experts à des novices. C'est vraiment impressionnant. Donc, où est-ce que ça pourrait nous mener, ça? C'est en fait, l'équipe de recherche, justement, travaillait là-dessus pour justement voir si on ne pouvait pas arriver un jour à... Ben, c'est sûr qu'on ne pourra pas commercialiser ça de façon assez exceptionnelle, là, parce que... Peut-être un jour! Peut-être un jour, mais c'est d'aller vraiment y aller, pour exemple... L'apprentissage des langues. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. L'apprentissage des mathématiques. La musique. Peut-être la musique, oui, parce que, tu sais, on le sait, on n'apprend pas tous la musique de la même façon. Si quelqu'un sait jouer de la guitare, nous, ça fait peut-être 5 ans qu'on essaye d'apprendre à jouer de la guitare. Si on prend la formule du cerveau de quelqu'un qui connaît déjà la guitare pendant quelques années ou qu'on la transmet à quelqu'un d'autre, peut-être que là, justement, ses connaissances vont aller de mieux en mieux. Je pense que la dextérité doit être quelque chose dans le cerveau aussi. C'est pas juste tes membres qui sont... dans lesquels tu as une bonne dextérité. Ton cerveau, il a, j'imagine, un rôle à jouer là-dedans pas mal. Exactement, parce que là, on met en jeu les compétences motrices et cognitives. C'est ça. Donc, c'est pourquoi on a fait l'étude avec des pilotes d'avion. C'est que, justement, on sait qu'il y a une espèce de capacité et une compétence motrice qu'il fallait avoir. Donc, de ce côté-là, ça fait vraiment activer les deux types de compétences. Et c'est là que l'étude devient vraiment très intéressante, parce qu'après ça, ça peut seulement aller de mieux en mieux. Et rapidement, tu dis. Je pense que même eux se rendaient pas compte à quel point ils avaient fait une grande découverte, là. Si on écoute la vidéo, on voit que les gars, c'était à la base qu'une expérience. Et là, ils ont vu que ça fonctionne. Ils se sont rendus compte qu'à 33% d'efficacité, c'est beaucoup, là. C'est le tiers. C'est ça. c'est quelque chose. Si jamais vous allez voir l'article que je vais poster sur Assemblage Requis, vous allez pouvoir lire l'étude complète en cliquant sur un lien, si jamais ça vous intéresse. Bien évidemment, c'est en anglais, mais si ça vous intéresse et vous connaissez beaucoup la science, vous pouvez lire leur étude complète sur le site du laboratoire, et c'est quelque chose. Puis si vous ne comprenez pas l'anglais, allez sur Google Translate et voyez qu'eux n'ont pas utilisé cette technologie-là pour la traduction. Non, hein, c'est ça. Parce que c'est vraiment mauvais. C'est vraiment très mal traduit, hein. Mais bon, en tout cas... on ne peut pas tout avoir. Hein. Ouais. Non, en effet, on ne peut pas tout avoir. On n'est pas rendu là. Donc, comme je le disais, c'est vraiment... C'est vraiment les sus et les champs magnétiques et les champs électriques du cerveau naturel qui vont être transmis dans un autre cerveau. Mais il faut déjà à la base comprendre que chaque cerveau ne réagit pas de la même façon. Donc, c'est pourquoi il y a une efficacité qui est quand même juste. Je dis juste, mais c'est déjà beaucoup, comme je le disais, de 33%. C'est que chaque cerveau réagit d'une différente façon et que chaque endroit du cerveau qui est sollicité ne va pas nécessairement réagir de la même façon lorsqu'il va recevoir le savoir. C'est que notre exemple, je sais pas, moi, je vais bouger le doigt, mais ça veut pas dire que mon cerveau va avoir dit à la même place à ton cerveau de bouger son doigt. Ouais. Donc, il a vraiment fallu prendre le temps d'observer plusieurs cerveaux différents pour analyser vraiment ces chemins électroniques-là et ces chemins électriques-là dans le cerveau pour pouvoir les transmettre par la suite. C'est vraiment fascinant. Oui. Il faut savoir aussi que les chercheurs de cette étude-là disent pas non plus qu'on va arriver à apprendre quelque chose en 5 minutes. On va pas faire de nous des robots ou quoi que ce soit, parce que ça prend justement cette espèce d'attente-là. Le cerveau, il se doit de travailler. J'en avais déjà discuté par rapport au bilinguisme. C'est comme un exercice, c'est comme aller au gym. Donc, veux pas, de le faire en 5 minutes, ça arrivera quasiment jamais, parce que le cerveau est comme un muscle. Donc, il se doit de justement apprendre à analyser puis à gérer tout ce qui vient comme information dans le cerveau. Donc, de ce côté-là, ça prend quelques temps avant justement de voir des progrès, mais quand même, après 3-4 jours, t'as déjà une bonne base de ce qui vient. J'ai pas pire. Et voilà. Le deuxième article dont je voulais vous parler, c'est un article que j'ai quand même trouvé très, très drôle, parce que il y a plusieurs gens dans la vie qui se plaignent. Ah ouais, tu trouves? Qui se plaignent ou qui sont chialeux. Oui. Moi, j'ai pensé à mon père parce que mon père chiale quand même assez souvent. Et on lui dit. C'est de famille. Et, c'est ça. Et en fait, j'ai trouvé un article scientifique sur Inc.com qui parle que de se plaindre et de chialer pourrait être vraiment terrible. Ah, OK, je te souviens que c'est une bonne chose. OK, c'est non, une mauvaise chose. C'est une mauvaise okay. chose pour la santé. Ben, c'est bon d'évacuer des fois, hein? Ben oui, de ce côté-là, c'est bon parce que justement, ça le dit dans l'article, c'est qu'on a un trop-plein d'émotions. Il faut justement pouvoir ventiler ça, il faut pouvoir l'extérioriser. Ouais. Par contre, lorsqu'on le fait souvent, c'est là que ça peut devenir nocif pour notre santé. Et pourquoi? Eh bien, c'est très, ben, très facile à comprendre. C'est relativement. C'est ça, peut-être pas. C'est que je vais y aller en trois étapes quand même assez distinctes. C'est la première, ça se passe dans le cerveau. Donc, la première leçon que les jeunes neuroscientifiques apprennent, c'est que lorsqu'on arrive à avoir une pensée, lorsqu'on pense à quelque chose, c'est... Là, je vais y aller de façon vraiment scientifique. Êtes-vous prêts? Je vais me prendre pour Justine. C'est, on a dans le cerveau ce qu'on appelle des synapses. Oui. Qu'est-ce que des synapses? Bien, c'est une zone qui est située entre deux neurones, donc deux cellules nerveuses, qui assurent la transmission des informations de l'une à l'autre. Donc, c'est comme si on avait une cellule, un synapse, une autre cellule. Mm-hmm. Toi, tu le vois parce que je te le mime. Ben là, non, mais tu l'as expliqué visuellement. Oui, exactement. Oh, OK, oui. C'est bon. Donc, en fait, c'est la communication qui est très, très fine entre deux protoplasmes, deux cellules voisines à travers des canicules de la membrane. Mais je vais vous mettre dans des mots plus colons, faciles, ouais, c'est mettons. Ça. Genre, petit peuple c'est ça. Comme moi, là. C'est que lorsque vous avez une pensée, votre cellule va lancer une espèce de chemin imaginaire, en okay. fait, imaginaire électrique à l'autre cellule qui se retrouve de l'autre côté de la fente synapse. Donc, c'est comme si vous aviez une cellule, un vide, une autre cellule, mais que les deux cellules doivent se rejoindre à un certain point. Donc, le chemin électronique va vraiment venir créer une espèce de pont entre les deux neurones. Donc, de ce côté-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que les deux neurones vont commencer à se joindre de plus en plus pour pouvoir créer une neurone qui va vous donner votre pensée. Lorsqu'en fait, lorsqu'on se plaint, c'est une pensée négative. Par contre, il faut savoir que ce fameux petit chemin-là électronique va toujours se refaire et va toujours se ratisser entre les deux neurones parce qu'on a des pensées qui reviennent souvent et on a des pensées qui notre cerveau comprenne qui doit se faire rapidement. Donc, de ce côté-là, on va vraiment venir rapprocher les neurones de façon naturelle, bien évidemment. Ça se fait pas de façon médicale. Mais de façon naturelle, les deux neurones vont se rapprocher et ça va créer, parce que le cerveau change constamment. Okay. Donc, ça va créer comme une espèce d'une autre neurone qui, elle, va devenir, je sais pas moi, la pensée de « Ah, oh, faut que je mange ». Exemple, OK? Ouais. Juste faire ça comme ça. Simple, ouais, ouais, c'est ça. Par contre, ce qui arrive, c'est que lorsque vous plaignez, cette neurone-là devient négative et le chemin devient de plus en plus court. Donc, votre pensée va tout le temps être plus facile à avoir. Si jamais vous avez des pensées toujours négatives, si vous plaignez tout le temps, c'est que votre cerveau va avoir plus de facilité à faire cette pensée négative-là qu'une pensée positive, parce que le chemin électronique va être rapproché de plus en plus d'une autre neurone, et là, ça va faire en sorte que votre cerveau, en tant que tel, avec le chemin que vous allez lui avoir donné au cours des années, exemple, va devenir un cerveau à titre négatif. C'est que vos neurones ne vont plus automatiquement avoir le réflexe d'avoir une pensée positive parce qu'il va y avoir trop de neurones qui vont avoir été atteintes par des pensées négatives. Oh, ouais. Une ouais. pomme qui vient pourrir le reste. C'est fou, hein? Plusieurs pommes. Oui, exactement. Ouais. Wow. J'aurais jamais pensé. Moi non plus. Puis c'est vraiment lorsque j'ai lu l'article que je me suis dit, wow, OK, c'est vraiment un lien chimique mm-hmm. dans le cerveau qui se ouais. fait et qui va vraiment venir retracer, en fait, le cerveau. Parce que, comme je le disais, le cerveau est en constante réévolution. Il change à chaque fois qu'on a une pensée, à chaque fois qu'on apprend quelque chose. Je le disais, c'est un muscle. Donc, de ce côté-là, il va tout le temps se reformer, en quelque sorte. Mais lorsque justement ce lien-là chimique va se produire, ce lien électronique va se produire entre les deux neurones, c'est que ça va vraiment rapprocher toutes les pensées négatives que vous pouvez avoir et que vous n'aurez plus nécessairement aller avoir le réflexe d'avoir une pensée positive. Il y a aussi le deuxième lien par rapport à se plaindre et tout ça, c'est que oui, lorsqu'on est petit, exemple, nos parents vont nous dire les gens avec qui tu tiens peuvent être influencés. Une mauvaise influence. Bien, c'est vrai. Même du côté de se plaindre. En fait, c'est que lorsque vous vous tenez avec quelqu'un et que quelqu'un va pas bien, le cerveau a ce réflexe-là d'aller chercher la même pensée que son cerveau à lui pour avoir cette fameuse valeur qu'on appelle l'empathie. Ouais. Parce que pour avoir de l'empathie, il faut comprendre l'émotion que la personne vit. C'est pas tout le monde qui a ça, par contre. Non, c'est pas tout le monde qui est empathique, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais de ce côté-là, en temps normal, c'est ce que le cerveau est censé faire. Le cerveau est censé aller chercher la même formule chimique et la même formule électrique dans votre cerveau que la personne devant vous a pour justement pouvoir démontrer de l'empathie ou encore comprendre ce que la personne vit. Pour pouvoir avoir une conversation avec quelqu'un, exemple, il faut savoir si la personne est heureuse, bien, automatiquement, vous allez déceler que cette personne-là est heureuse parce que votre cerveau vous a lancé la formule que ce qu'elle est en train de vous dire, c'est heureux. Ouais. Donc, de ce côté-là, si la personne avec qui vous êtes est toujours négative, c'est que vous allez devenir une personne négative par empathie. Wow. Parce que votre cerveau va automatiquement comprendre que tout ce que cette personne-là vous donne, c'est seulement de la négativité. Ouais. Mais, tu sais, ça va avec le qui se ressemble, ça semble, puis on dirait, tu sais, le cerveau fait la personne, on s'entend. Oui. Puis on dirait qu'on a tendance à se tenir avec des gens qui ont un petit peu le même genre de cerveau que nous autres. Oui, en effet. On peut pas vraiment être proche de quelqu'un qui a pas la même sensibilité du cerveau. T'sais, quelqu'un qui comprendrait pas le sarcasme pourrait jamais se tenir avec moi, mettons. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Fait que tu sais, non, qui se ressemble, ça semble, ça avait du sens. Ouais. Oui, tout ouais. à fait. Ouais. Et le troisième point, c'est le stress. Mm-hmm. Donc, le stress, bien évidemment, être négatif, ça va vous amener du stress, mais le stress va vous amener de la négativité aussi. Et c'est de ce côté-là que vous allez devenir peut-être un petit peu plus plaignant et un petit peu plus chialeux. Mais il faut savoir aussi que ça va vous amener une hausse de la pression du sang. Donc, de ce côté-là, ça peut vous amener... des chutes de pression ou de la basse pression. Ça peut amener aussi un risque de maladie cardiaque, de l'obésité, du diabète, d'autres aussi formules négatives à votre vie. Vous allez voir, il y en a parfois qui, à force de se plaindre, vont pas nécessairement avoir faim. Ça va changer leur appétit. Donc, de ce côté-là, il faut vraiment faire attention à tout ce que l'on dit, à toutes les pensées que l'on a, parce que ça peut vraiment venir jouer avec notre formule non seulement mentale, mais ça peut venir jouer aussi avec notre santé directe. Donc, de ce côté-là, de se dire qu'on est stressé, de se dire « Oh là, je suis stressé, j'y arriverai jamais, blablabla », ça peut jouer aussi sur notre santé, justement, comme je disais, cardiaque, sur notre santé sanguine, l'obésité, diabète. Donc, de ce côté-là, il faut faire attention. Absolument. Le cerveau, c'est la chose la plus intéressante au monde, je pense. Vraiment? En termes de science et de corps et de gens. C'est fou. Le cerveau, c'est quelque chose. Puis, tu sais, on n'en parlera jamais assez. Incluons la parenthèse de la santé mentale. Mm-hmm. Parce que le cerveau, c'est pas quelque chose que tu peux tout le temps contrôler. Non, c'est vrai. Il y a des émotions que tu ressens, des choses que tu vis, que tu fais, qui sont pas nécessairement sous ton contrôle. Ben, c'est ça, c'est cet aspect automatique dans ton cerveau. C'est dans le cerveau. Donc, n'ayez pas peur de consulter s'il y a quelque chose. Okay? En effet. Sachez-le, c'est plus un tabou en 2016, c'est fini. Non, c'est ça. On passe à autre chose. On passe à autre chose, t'as bien raison. Bref, chronique très intéressante de ta part, Tania. Je sais pas ce que les filles ont mangé aujourd'hui, mais ça fait que ma chronique de fast-food a l'air vraiment bas de gamme par comparaison. On se quitte en musique? Ben oui! Plus tôt cette semaine, je vous ai fait jouer du Fantogram, ouais, parce que je parlais du fameux syndrome de se faire fantômer. mais là, j'ai vraiment découvert le groupe un petit peu plus et j'ai beaucoup aimé la pièce aussi, Blackout Days, et je trouvais que ça allait bien avec le cerveau, parce que lorsqu'on fait un blackout, automatiquement, parfois, c'est à cause du cerveau. Donc ici, on va entendre Fantogram avec Blackout Days. Merci, Tania. Merci, Mathieu. On entendra la pièce pour ce qui quitter en fin d'émission parce que nous, pour l'instant, c'est la fin de cette édition d'Assemblage oui. requis. Merci d'avoir été là. Ça merci. Fait plaisir. Merci. Je parlais au public, mais merci à toi aussi. Okay. Tania Baudin, merci à Véronique Mire et sa chronique Le Véronictionnaire. Lundi à l'émission, ce sera une toute nouvelle semaine avec le retour de Samuel Girard, le retour de sa semaine de relâche avec sa chronique sur l'actualité québécoise et canadienne. On aura aussi à 9h Évelyne Dulac et son retour après un mois d'absence. Et donc deux chroniques à date, mais quand même. Fait pas beaucoup de chroniques dans session, mais on l'apprécie quand même. Evelyne Dulac à 9h lundi pour la chronique du club plein air UQTR. Sur nos ondes à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier pour rejoindre l'inutile et l'agréable. Ensuite, à 13h, je serai l'invité d'honneur de la sortie de secours est à votre gauche. À 13h avec Lucas Hubert et Sébastien F. Gartin. À 14h, je vais rester avec vous pour la rediffusion du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Ensuite, à 17h, David Ferron aimera Palmarès du Monde. Et finalement, à 19h, Denis Baudin sera là pour Très Blues Assez Fou. C'est la programmation d'aujourd'hui. Cifou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Encore une fois, merci Tania. Ça fait plaisir. Merci à toi, Mathieu. On se retrouve lundi à 6h30. Bonne journée. Bonne journée. Bon café.